Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce cinéphage numéro 229, spécial film avec Superman. Et pour ce cinéphage, je serai accompagné de Dino. Bonjour Dino. Salut. Donc avec lui, nous allons évoquer ses goûts cinématographiques tout d'abord, et puis la filmographie autour du thème du jour, Superman, le plus célèbre des super-héros du cinéma, on peut le dire quand même. Tout à fait, entre autres. Alors tout bêtement, quelle est ta profession ? Moi je suis animateur jeunesse au sein du centre socioculturel La Passerelle, ici même. Pas très loin des studios de Radioactive, mon Louis, d'ailleurs. Exactement, d'ailleurs, vous avez reçu mon collègue et camarade Damien il y a peu. C'est vrai. Pour parler, pour parler de dinosaures. Vous pourrez d'ailleurs retrouver cette émission sur le site Facebook de Radioactive, et vous verrez que Damien, tout comme Dino, sont des cinéphages qui ont leur place ici sans problème. Alors, quelles sont tes passions ou hobbies dans la vie, autres que le ciné, bien sûr ? En fait, j'en ai deux principales. La bande dessinée, les comics, donc la bande dessinée américaine, d'une part, qui me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais avec plaisir et amour. Et de l'autre côté, tout ce qui touche aux arts martiaux et sports de combat. Je suis pacifiste, dans l'âme, je précise. Mais de tout petit, j'ai jamais été trop foot, rugby, tennis. Tous les sports sont géniaux. Hein. Mais voilà, une grosse, grosse passion pour les arts martiaux et les sports de combat. Depuis ma découverte, depuis quand j'étais tout petit, de Bruce Lee. Voilà. Mais voilà, c'est 50-50. Vraiment, le arts martiaux, sport de combat et vraiment comics, bande dessinée. Et tu pratiques en compétition, les arts martiaux ? Alors, pas en compétition, mais je pratique. Hein, je pratique le MMA ici même à Montluy, d'ailleurs. Et normalement, c'est prévu. Une petite compétition d'ici, je crois, 2 mois, le temps que je puisse être en capacité de le faire. Donc, quand je dis en capacité, c'est le cardio, l'âge, oui. L'âge aussi qui avance. Donc, on essaie de s'accrocher, quoi. Puis je crois savoir, au niveau de la BD, tu dessines aussi, n'est-ce pas ? Tout à fait. D'ailleurs, depuis peu, je suis le président de ma propre association qui s'appelle Full Ink Alchemist, qu'on a formé à Trois-Larrons. Donc... mon ami Daris, qui a créé une équipe de super-héros, donc qui s'appelle la Division X. Mon petit frère Sam, qui a créé un personnage qui s'appelle Alteraz, et donc moi-même avec Dreamlord, super-héros cosmique présent ici même sur Matocan, qu'on ne peut pas voir. Et donc voilà, c'est en fait quand je dis que je suis fan de comics, c'est vraiment dans l'entièreté, c'est-à-dire lecteur, concepteur aussi. Et j'en bouffe au quotidien, quoi. C'est une passion vraiment dévorante, qui va jusqu'au prénom de mes enfants, qui ont tous un prénom issu de la culture comics. D'accord, donc jusqu'au bout des ongles, comme on dit. Exactement, et d'ailleurs, donc là, il y a déjà une première BD qui est sortie il y a presque 3 ans maintenant. Donc là, je travaille ardemment sur la suite. Bon, il y a eu quelques changements, parce que... mon ami éditeur Florian Erguillon est malheureusement décédé donc pendant le Festival d'Angoulême il y a 2 ans. Donc là, j'ai monté ma propre structure pour pouvoir continuer. Il y a une deuxième BD qui est sortie chez Yamrash Comics, un gros crossover avec tous les super-héros français, parce qu'on pense à tort que tous les super-héros sont américains, mais il y a beaucoup de super-héros français qui existent depuis les années 60, Photonique, Micro, donc il y a une grosse histoire qui est sortie avec tous les super-héros, dont le mien. J'étais content qu'on me demande de participer. Et en fait, c'est une BD qui est sortie l'année dernière, qui s'appelle La Relève, et dont tous les fonds récoltés sont partis directement à une association pour lutter contre l'illettrisme, une association qui s'appelle Clé, Compter, Lire, Écrire. Et donc voilà, il y a pas mal de petits projets qui se font petit à petit, quoi. Voilà, c'est bien en plus. Non seulement tu te fais plaisir, mais tu fais plaisir à des gens par des associations caritatives. De toute façon, je pourrais pas me faire plaisir juste pour moi. Tu as le partage, quoi. Tu es dans le partage. C'est ça. D'où aussi cette émission, j'imagine. Mmh. C'est la passion pour soi-même. À un moment donné, c'est voilà. Ça tourne vite en rond, quoi. L'idéal, c'est de faire des choses qui passionnent, mais de les partager. et de les transmettre éventuellement, et au moins d'en parler. Ce qui est, c'est ça, bah, d'où mon métier d'animateur jeunesse. On a ça en commun aussi. Voilà. Alors, là, on revient au thème du jour. Quel est ton premier souvenir de cinéma ? Mon premier souvenir de cinéma, c'était en 1982, pour la sortie de E.T., l'extraterrestre, que ma mère m'avait emmené, je me rappelle, hein, c'était cinéma sur les Champs-Élysées, parce que je suis un ancien parisien. Et très vite, c'est un film qui m'a marqué et avec lequel j'ai une sacrée histoire. Parce que pour le coup, je l'ai vu en 82 pour sa sortie, et je l'ai revu 20 ans après pour la ressortie spéciale anniversaire avec 2-3 scènes refaites, malheureusement, avec des effets spéciaux rajoutés et tout ça. J'ai pu le revoir encore quelques années après dans un cinéma plein air, donc avec ma fille aînée qui était petite à l'époque. Et je suis un gros collectionneur parce que je ne fais pas que du comics, je collectionne des figurines, des jouets, des machins, enfin, mon bureau à la maison et puis ma maison en général, c'est un sacré bazar. Un musée, on dit, oui, un musée. Voilà, c'est ça. Et pour le coup, bah, donc, j'ai le film aussi en DVD, j'ai la VHS française, la VHS originale, j'ai le roman, j'ai la suite, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais il y a eu une suite à E.T. mais qui est sortie que en roman. Donc les figurines, les livres, j'ai eu l'album Panini. Et ce qui était drôle, c'est que donc je suis allé voir le film au cinéma, j'ai tout de suite adoré, et j'ai fait des cauchemars pendant des années avec un E.T. méchant. Je sais pas pourquoi ça. Bah, c'est vrai, quand on le voyait, il était pas très ragoûtant, hein, le E.T. Bah, il a pas les grandes dents comme ça, comme Alien. Ouais. Mais il est quand même bizarre, quoi. Bah en fait, je pense que ce qui m'a marqué à l'époque, déjà que c'est un film hyper émotionnel. Il y a aussi la première rencontre entre Elliot et E.T., tu sais, dans les fougères et tout. Ça fait un peu peur quand t'es un gamin. Mais c'est un film, pour moi encore aujourd'hui, qui est magistral. C'est un film de science-fiction, mais hyper humain. Tu vois, je veux dire, il y a, au final, il n'y a pas ou peu d'effets spéciaux, parce que c'est pas le centre du film, quoi, tu vois. Je me suis demandé pendant des années pourquoi est-ce que le film me plaisait. Alors bien sûr, il y a le côté... enfant un peu renfermé qui vit un truc fantastique alors que y a plein de choses qui se passent autour de lui, mais en fait c'est aussi un gros film sur le divorce, tu vois, c'est une famille monoparentale. Le thème de Spielberg en général, donc, voilà, il y a une grande son histoire personnelle est mêlée à toute sa filmo. C'est ça et je sais pas, donc, et c'est un film qui m'a, et puis en plus il y a plein de choses que j'ai adoré et que j'adore encore. La partition musicale de John Williams, la mise en scène de Steven Spielberg, qui pour moi est un des plus grands metteurs en scène. Enfin, il a touché à tous les styles, quoi, tu vois. Et c'est un cinéma que j'ai du mal à retrouver aujourd'hui. Alors, tu sais, je vais pas faire mon vieux, ouais, c'était mieux avant, enfin, quoique. Mais je vois beaucoup de films, je lis beaucoup de bandes dessinées, j'écoute beaucoup de musique, par habitude, parce que j'adore ça. Mais j'ai très peu de coups de cœur, tu sais, de claques que tu te prends en pleine figure et tout, quoi. E.T., ça a été ça. Et en plus, la fierté que j'ai avec ce film, c'est que mes enfants, aux trois âges différents qu'ils ont, adorent ce film aussi. Je leur ai fait découvrir relativement tard. Au début, ça me dit rien et tout. Et non, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment, c'est un très très beau film et tout. Oui, et puis en plus, c'est un film familial, on peut dire. Là, tout le monde peut, on le voit en famille, on le voit à différents âges, comme tu l'as bien dit, et ça reste toujours cette magie du cinéma. Ça, et puis, comme dans toute œuvre, il y a plusieurs niveaux de lecture. Quand t'es un enfant, tu peux très bien voir la première lecture, c'est-à-dire, c'est la rencontre d'un enfant avec un extraterrestre, ils vont vivre des aventures. Pop, pop, pop. Tu peux aussi voir le volet social du film, qui est réel. Comme je disais il y a deux minutes, le côté lien parental, enfin, tu vois, il y a plusieurs niveaux. En général, j'aime bien quand il y a ça dans une œuvre. Même si c'est une œuvre qui, de premier abord, qui est simplement fait pour divertir, mais tu peux toujours voir quelque chose en plus derrière. Alors maintenant, toute chose différente, là, quel là là. Est ton format favori ? Est-ce que ce serait plutôt noir et blanc, VO, numérique, trad, 3D ? Alors, ça va varier, mais de source sûre, et ça me manque, le traditionnel, mais quand je dis traditionnel, c'est le cinéma sur pellicule. Il y a 2 ans, on est allé visiter la salle de projection au studio, dans le cadre du travail. J'étais super content parce qu'il y avait une vieille, un vieux diffuseur et tout qui était là juste pour le décor. Pour le décor. Et en fait, tout était en digital et tout ça, quoi. Donc, j'ai rien contre, hein. J'adore la technologie et tout ça, quoi. Quand ça m'embête pas. Mais ouais, le film sur pellicule, tu sais, avec l'image imparfaite et tout ça. Voilà, je crois que c'est mon truc préféré. Ensuite, comme je disais tout à l'heure en aparté, donc tu sais, il y a les plateformes et tout ça. Mais je suis attaché au format physique parce que, bah, encore une fois, l'aspect collection. En plus, quand je m'achète un film, en fait, j'achète un DVD ou un Blu-ray autant pour le film que pour les bonus. Moi, je regarde tout, les making-of, les machins et tout ça. J'aime savoir, tu sais, comment ça fonctionne derrière. Et souvent, des fois, les coulisses sont plus intéressantes que le film. Mais ouais, et puis bah, le couleur noir et blanc, j'adore le noir et blanc. Il y a des films qui existent en noir et blanc, en couleur ça passerait pas. Tu vois, tu prends La Nuit du Chasseur, j'ose même pas imaginer ce que ça devrait faire en couleur. Il faut surtout pas d'ailleurs. Ça fait partie justement de l'ambiance du film. Bah, c'est ça. Il y a encore une fois un film magistral en plus, comme il en existe plus, quoi. Robert Mitchum est absolument fabuleux dedans. Je te parlais des trucs que je fais par habitude, lecture, musique, film et tout ça. Donc j'ai rarement de coups de cœur ou de grosses claques. Ce film, pour moi, ça fait partie des chefs-d'œuvre. C'est monumental. Je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça et c'est grandiose. En fait, tout dépend du film. J'ai mon propre bureau à la maison avec ma table à dessin, donc mon petit musée comme tu dis, et j'ai un tube cathodique. Avec un lecteur DVD, un magnétoscope, parce que j'adore le format VHS, parce que je collectionne. Alors, j'ai pas 40 000 VHS, mais tu vois, j'ai des vieux dessins animés, tu sais, Flash Gordon et tout ça, enfin, des Dune, le Dune de David Lynch. Et pareil, j'aime bien ce truc un peu imparfait, quoi. Ce qu'a essayé de faire Tarantino dans certains de ses films, comme Boulevard de la Mort, là, ouais. On voit la pellicule qui grille, ou les sauts, les choses imparfaites. Mais justement, tu vois, ça fait partie un peu de ce folklore du cinéma que j'adorais avant. Tu vas voir un film, alors tu vas prendre il y a des très bons films, hein, qui sortent, hein, tu vas dans une salle, n'importe quel multiplex et tout ça, quoi. Tu vas, ton film, tu sais que ça va être super propre, mais voilà, tu t'assois, tu arrêtes ton film et tu repars. Il y a plus tout ce... Sinon, c'est aseptisé, quoi. C'est ça. Même le fait d'aller au cinéma, c'est devenu aseptisé, quoi. Le truc exceptionnel qu'il y avait avant et qu'il n'y a plus. Mais voilà, bon, il y a quand même des bonnes choses, parce que je voudrais pas paraître, tu sais, pour un vieux machin qui a un discours. Non, parce qu'il y a des cinémas, bon, je vois nos deux partenaires, on a la chance d'avoir les studios à Tours qui sont impeccables. Géniaux, avec plein, et puis le CGR Centre, avec des soirées à thème, des soirées cultes. Ouais, il y a des gens qui aiment le cinéma encore, même dans les multiplexes, et ça, c'est. Justement, c'est peut-être ça l'avenir pour moi des multiplex, parce qu'il y en a pas mal des traditionnels multiplex là, qui sont en train de se casser la gueule, parce que ça, ce côté impersonnel, consommateur, voilà, les gens, je pense, que reviennent vers ce côté un petit peu cinéma personnalisé, entre guillemets, où on va parce que on veut découvrir, où on veut parler d'un thème qui nous est cher, rencontrer les réalisateurs, des acteurs. Et je pense que les ciné-débats, par exemple, au CGR 100, pour y avoir participé une nouvelle fois, c'est intéressant parce que on n'est pas qu'un consommateur. On peut digérer le film, entre guillemets, et après en discuter avec le réalisateur ou les acteurs. Et ça permet quelque chose, une expérience plus personnelle. Bah, c'est ça. Puis c'est toujours bien quand il y a un truc en plus. Le fameux bonus des DVD. C'est ça. J'ai fait plusieurs séances de cinéma où souvent il y avait des intervenants. Il y a un an et demi, donc au cinéma associatif de ma ville, ils ont repassé Retour à le futur 1 et 2. Donc j'ai revu en salle, mais avec mon fils, ce qui n'était pas pareil. Parce que pour le coup, tu vois, c'est des films que je vois plus pareil. Alors que j'adore énormément, mais que je vois au travers des yeux de mon fiston, même si c'est un film qui au final me plaît pas. Et en fait, il y avait les interventions après. Je sais plus comment elle s'appelait, mais une dame qui expliquait les coulisses, des questions et tout. Alors mon fils y rigolait parce que comme on en parlait beaucoup à la maison, parce que je suis un fan absolu de cette trilogie, bon, c'est des choses qu'il savait déjà un petit peu et tout. Et pareil, ils ont repassé le premier Mad Max il y a 3-4 ans, je crois, et pareil, il y a un intervenant qui était venu, et c'était hyper passionnant. Tu vois, c'est comme tu dis, il y a encore de très belles choses qui... mais pour moi, à mon sens, ça reste minime sur toute la globalité. Alors maintenant, vaste question, que représente le cinéma pour toi ? L'évasion absolue. Donc comme je dis, je suis un ancien parisien, enfin je suis issu des banlieues parisiennes, donc le 93 et tout ça, avec une enfance tout à fait heureuse, parce que la banlieue parisienne, comme toutes les autres banlieues, c'est pas que ce dont on parle dans les reportages d'investigation misérables et tout ça. Mais aller au cinéma, c'était, encore une fois, je vais reprendre le mot, parce que le folklore, c'était une aventure. Déjà, il fallait que j'aille au cinéma, donc je pouvais y aller à pied, parce que c'était pas excessivement loin. Fallait faire la queue au guichet, on te déchirait le ticket, c'était encore une salle, avec le rideau, ça sous... La moitié de l'expérience, c'était même pas le film, c'était tout ce qu'il y a autour. Le film, c'était, on va dire, c'était la cerise... C'était la cerise sur le gâteau. Et ensuite, le cinéma, c'est... j'ai deux types de cinéma, en fait. J'ai une partie d'Ino qui regarde du cinéma de divertissement, mon cinéma de science-fiction, un truc inspirant. Et l'autre moitié, c'est des films. Tu vois, je te parlais de La Nuit du Chasseur, ou le Roméo et Juliette de Franco Zeffirelli, en fait... Tous ces films-là qui te prennent aux tripes, qui te font vivre des émotions que tu vis pas forcément. Le cinéma, c'est ça, c'est de l'évasion, ça peut être aussi un exutoire total en fonction de ce que tu regardes. Des fois, de la compréhension. Il y a des films comme ça qui te changent, hein, qui changent ta façon de voir le monde, ta façon de voir les gens, de vivre tes émotions et tout. Pour moi, le cinéma, c'est un psychiatre, mais c'est toi qui choisis le psy, et c'est toi qui choisis ce qui ressort de ta séance, en fait. Voilà, c'est en fait, comme toujours le psy, hein, la solution elle est en toi. Ouais, c'est ça. Eh bien, maintenant, nous allons passer aux questions à l'invité. Quels sont ton ou tes trois films préférés ? Pourquoi, bien sûr ? Ça va être rapide. Mon top 1, on en parlait tard, donc c'est Les Dix Commandements de Cécile B 2000 avec Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter et tout ça. Ça d'une part, le King Kong de 1933. Le Shotzak, là, le. Voilà, l'original, le vrai. Et 2001, l'Odyssée de l'espace. Pourquoi ces trois films ? Parce que ces trois films sont différents. Sur les trois, il n'y a que Les Dix Commandements que j'ai pu voir au cinéma, à deux reprises. Une fois pour une ressortie en salle, en plein Paris, et la deuxième fois, c'était un cinéma plein air à la Villette. J'ai eu la chance, comme beaucoup de gens de mon âge, j'imagine, de connaître la dernière séance avec Eddie Mitchell. C'était les années 80, quoi. L'émission qui manque à tous. Qu'on soit cinéphage, cinéphile, c'est une émission... Quand on voit la pauvreté de ce qu'on nous présente, hein, plutôt que de nous mettre des émissions de critiques, ça vaut tous les critiques du monde. C'est ça. Alors, en plus, l'émission était géniale. Enfin, Eddie Mitchell, il faisait vraiment un bon boulot, hyper documenté, parce que c'est un vrai passionné, quoi. Et comme il y avait, je crois qu'on devait avoir encore un peu école le mercredi matin, en général, on avait le droit de regarder le premier film, le Tex Avery, et en fonction... On pouvait aller, si on avait été sage, on pouvait regarder le deuxième film en fonction du sujet du film. Voilà, et si c'était pas aussi en VO, et si c'est, voilà. Donc plus ou moins, c'était plus dur. Et ma mère, qui est une personne très cultivée, a adoré ce film, Les Dix Commandements, Lawrence d'Arabie et tout ça. Et je suis pas religieux pour un sou. vu que je suis un homme libre. Et les 10 commandements, ça m'a parlé tout de suite. Parce que dans toutes ces histoires, peu importe la religion, c'est quand même des histoires fantastiques. Sans être irrespectueux, hein, bien sûr. Mais, le film dure plus de 3 heures. Tu t'ennuies jamais et il y a tout ce qui manque dans un blockbuster aujourd'hui. Aujourd'hui, un film coûte énormément cher. Hein, un blockbuster américain, comme ça, c'est entre 200 et 300 millions de dollars, ce qui est énorme. C'est beaucoup d'effets spéciaux, de machins. Et c'est des effets spéciaux, les stars du film et tout, les acteurs sont là. Les 10 commandements, il y avait une mise en scène, il y avait des effets spéciaux, les acteurs étaient théâtraux. C'était pas surgent, enfin, tout était maîtrisé. T'avais le Technicolor, le machin. Et c'est un film qui m'a toujours pas... Déjà, c'est une grande et belle histoire. Qui plus est, qui sera totalement en lien avec ma passion de Superman. Et je trouve que c'est un film magistral, prodigieux. Et c'était le cinéma d'Hollywood, c'est le cinéma d'époque, dont je suis malheureusement excessivement fan. Puis il faut dire qu'à l'époque, on avait des producteurs... qui étaient des gens lettrés, qui aimaient le cinéma et qui... C'était pas des cashmakers comme on a maintenant. Ah, du tout, ouais, c'est voilà. Clair. Bien sûr, ils étaient pas là, c'est pas pour le fun, mais c'était des gens qui avaient une certaine idée de ce qu'ils voulaient, qui avaient beaucoup lu, beaucoup vu de choses, et on peut dire que c'était plutôt des intellectuels, alors que maintenant, c'est des... On fait de l'argent, et combien, justement, ont donné la chance à certains films, ou à certains jeunes réalisateurs. Avec des sujets, comme tu disais tout à l'heure, bah, l'important c'était que le scénario il soit assez chiadé au départ. On prenait, bon, bien sûr, il y a eu des navets, mais dans le tas, on a de nombreux chefs-d'œuvre. Bah, c'est ça, c'est Georges Lucas qui le disait très bien dans une interview. Il disait que quand il a commencé, donc au tout début des années 70, fin 60, que la plupart des gros studios américains fermaient, que les directeurs de studios qui étaient, comme tu disais, des gens lettrés, cultivés et tout, laissaient leur place à des commerciaux, dont la priorité, c'était de faire plusieurs séances par jour, l'argent, les cashmakers, comme tu dis. Et c'était très, très dommage, parce que toi, cette tâche d'or d'Hollywood, là... D'ailleurs, le plus gros de ma culture cinématographique vient de cette période-là, 60, 70, 80. Il y a de très bonnes choses depuis, même aujourd'hui, mais si je vais te parler de mes films préférés, de mes réalisateurs préférés, tu verras, ce sera très estampillé 70, et d'où donc, alors les 10 commandements qui est plus vieux, mais donc que j'ai découvert comme ça, et c'est un film qui m'a marqué, et j'ai eu la chance, il y a quelques années sur Paris, de trouver une superbe édition en DVD, absolument fabuleuse. Il y a le film, forcément, découpé sur deux DVD, parce que bah déjà il est long, et puis en fait il respecte ce délire de l'entracte et tout ça. Et t'as aussi la première version de Cecil B. DeMille, en noir et blanc, qui était déjà à l'époque faramineuse, parce que le cinéma noir et blanc, donc le cinéma muet, il y a eu des chefs-d'œuvre complètement oubliés, quand tu connais pas trop le cinéma. Et voilà, et donc c'est un film que je regarde... Religieusement, une fois tous les ans. À la fin d'année, pendant le mois de décembre, tu sais que pendant 3h30, je suis devant... Donc ça, c'était les 10 commandements. King Kong, j'ai été pris par surprise. On était chez des amis, je m'en rappelle encore. Et la personne chez qui on était avait allumé sa télé. Et là, il y avait King Kong, tu sais, quand il casse la porte géante du peuple autochtone. Et j'ai trouvé ça impressionnant. Et tu sais, quand t'es petit... Tu captes pas que c'est un vieux film en noir et blanc, que c'est de l'animation image par image et tout. Et j'ai tout de suite été très très fan. Ensuite, j'ai vu la version de 76 de John Guillermin. Pareil, c'était impressionnant. Tu sais, t'avais le World Trade Center à l'époque, enfin, tu sais, les hélicoptères et tout. Donc, j'ai vu la version de Peter Jackson. Très belle, très réussie et tout. Mais encore une fois, c'est beau. C'est bien foutu, c'est vraiment bien foutu, mais t'as pas la saveur, la magie du film d'époque. Et c'était du rêve. C'est de l'aventure, c'est du rêve, c'est King Kong, il est grand. Mais c'est le noir et blanc, et je sais pas pourquoi je suis resté attaché. Et 2001, l'Odyssée de l'espace. Quand j'étais petit, c'est un film que j'aurais pas regardé. Parce que quand t'es petit, tu regardes La Guerre des Étoiles. Toi, je dis La Guerre des Étoiles, je fais exprès de pas dire Star Wars, La Guerre des Étoiles, Parce que j'ai encore des versions d'époque où, tu sais, c'était... Et quand t'es petit, tu regardes la guerre des étoiles parce que c'est rapide, parce qu'il y a des vaisseaux spatiaux, il y a des Jedi, il y a des... Et tu veux pas regarder un truc contemplatif. Parce que 2001, c'est ce que c'est, tu vois, c'est... Même c'est ce que je dis en général, si on veut connaître Kubrick, c'est pas le film par lequel il faut commencer. Et non. Plus j'ai grandi, et en fait, j'ai vu le film pour ce qu'il était, donc c'est-à-dire un chef-d'œuvre monumental. C'est l'artiste de BD Philippe Druyet, dont je suis très très fan, qui a dit que en fait, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'était le premier film avec des images de synthèse avant que l'image de synthèse ne soit inventée. C'est un film à la photographie, mais alors, qui est absolument faramineux. Et il date, hein, tu vois, je crois que c'est 68 ou quelque chose comme ça. Le travail de photographie sur ce film est absolument, mais alors, immense et magistral. Alors en effet, il te faut ta dose de caféine en fonction de l'heure à laquelle tu regardes le film. Mais c'est fantastique. T'es happé par l'histoire et tout. Alors, bon, il y a eu la suite, hein, 2010, l'année du premier contact, je crois. Que j'ai vu qu'à moitié, parce que même si le film était... On perd de la magie du premier, moi, je trouve. C'est ça. Mais en fait, c'est souvent comme... Encore une fois, t'as reçu Damien il y a pas longtemps, j'adore Jurassic Park. Véritablement. Je suis un très grand fan de Spielberg. J'adore Jurassic Park. Uniquement le premier film. Très rapidement, dès qu'ils ont voulu continuer, dès qu'ils ont vu qu'avec de l'argent, on pouvait mettre des effets spéciaux, des trucs, des dinosaures et tout ça... Mais très rapidement, bah, la magie, c'est... Ça s'estompe, quoi, petit à petit. C'est ça, ça a reculé. Donc voilà, bon, la première trois films, voilà, ça, j'aurais pu te dire, hein, mon top 5, mon top 10, mais véritablement, oui, c'est ça. Mais sinon, on y sera encore demain. Bah voilà. Alors, au niveau des acteurs, est-ce que tu as un acteur fétiche que tu aimes bien, vraiment, dans pratiquement toute sa filmographie? Parce que bon, comme tous, hein, des fois, les films un peu moins réussis. Ça va être dur. Ça va être dur, un acteur. Bon, comme je dis, j'adore véritablement Charlton Heston. Surtout sur 3-4 films. Les 3-4 films qu'il a fait fin 60 jusqu'à la fin des années 70. Planète des singes. Soleil vert. Le survivant. Qui a interfait avec Omega Man, je suis une légende, ça. Voilà. Tremblement de terre. Ouais, le Cid était, moi j'avais trouvé, ouais, aussi, c'était bien adapté. Aussi, ça, donc j'ai dit, ouais, Soleil vert. Et voilà, ça, je trouve que c'est un acteur qui est, il a un peu la même stature, il a un peu le même rôle, tu sais, la même façon de jouer. Mais c'est un acteur que je trouve prodigieux. Tout comme un acteur qui manque énormément, mais Robin Williams, que j'aime énormément, qui est un acteur comique. Mais qui est dramatique à la fois, parce qu'il est capable de... Voilà, mais pas que, toi, c'est comme Jim Carrey. Bon, mon fils adore Jim Carrey, parce que, il a vu les films Sonic. Pour moi, Jim Carrey, c'est aussi Man of the Moon, enfin, tu vois, le film que j'adore, là, sur la télévision, là. J'ai oublié le titre, ça va me revenir, c'est horrible. Le Truman Show. Truman Show. Merci bien, Truman Show, voilà, exactement, qui était... Qui était fabuleux. Ouais, donc Robin Williams, ouais, ça. J'ai pas forcément d'acteur fétiche, mais ouais, des acteurs dont je sais que si je regarde le film. Tu seras pas. T'as pas beaucoup de chances d'être déçu, quoi. Non, tu vois, c'est comme Denzel Washington ou en France, Louis de Funès, que j'aime énormément parce que ça fait partie de ma jeunesse. Bébel. Delon, mais alors à moindre mesure. Delon, j'ai beaucoup aimé certains films. En fait, pas tant que ça. Peut-être 4-5 films où je l'ai trouvé vraiment prodigieux. En France, ouais, ce serait ça, tu vois. C'est Louis de Funès ou Lino Ventura, que j'adore, parce que mon fils a regardé avec moi les Tontons Flingueurs. Alors, lui n'appelle pas ça comme ça. Lui, il appelle ça les Tontons Pistolets. Parce que dans sa bouche, Flingueur, ça peut pas passer, quoi. Voilà. Et puis, c'est un film qui est vachement rigolo, quoi. Donc, ouais, au niveau acteur, ouais, ce serait ça. Papa, j'ai un trou, c'est horrible le matin. Charlton Heston, voilà. Si je devais en choisir. Au niveau des actrices, en fait, ça va être un peu le même principe. Essaye de nous mettre. Là, j'aime beaucoup. J'ai toujours adoré Michelle Pfeiffer en actrice américaine. Pourquoi? Ça va être basique ce que je vais dire. Batman le défi. Déjà parce que c'est une superbe actrice. Absolument magnifique. Dans le rôle de Catwoman, peu importe le costume, cuir, machin et tout. Voilà. Il y a des actrices comme ça qui sont. Scarface, ça nous fait. Scarface, mais tu vois, c'est drôle parce que tu vois, c'est pas du tout le même rôle. Pourtant, il n'y a pas tant d'années que ça entre Scarface et Batman, le défi. Mais ouais, Michelle Pfeiffer, Sigourney Weaver. Bah, tu sais, des fois, des femmes un peu à fort caractère, tu sais, pas la. Pas la potiche. Non, c'est, non, non, non. Bah, de toute façon, je suis pas adepte de. C'est pas parce que t'as. C'est pas que la plastique qui compte, c'est aussi le charisme qu'elle va développer. Non, la plastique. Comment je vais dire ça sans paraître pour. Comme je dis, je suis un très gros fan de science-fiction, de série B, tout ça, tu vois, de bandes dessinées. Alors. Je me suis assagi avec l'âge, mais toi, dans les années 80, ça, les héroïnes de comics, de bandes dessinées, toi, c'était des nanas d'1m80, bâties comme, tu vois, c'est en très bonne santé pulmonaire, on va dire ça comme ça, amis de la poésie. Mais j'aime bien, comme je dis tout à l'heure, j'aime bien quand il y a un plus, tu vois. Ouais, Michelle Pfeiffer, Sigourney Weaver. Des actrices qui je trouve que ce sont des actrices produites puis qui durent dans le temps bah tu sais c'est comme tu sais Meryl Streep enfin tu vois voilà, des actrices comme ça qui continuent qui jouent pareil des choses différentes et des en France elle est très rare maintenant mais il y a Isabelle Adjani qui est une actrice très bien mais celle que j'adore alors j'ai pas vu beaucoup de films. Alors, j'ai du mal à le prononcer, je vais essayer de le faire. Adèle. Exarchopoulos. Exactement. Exactement. J'ai pas vu j'ai dû voir peut-être que 3-4 films, dont le dernier sur. Je sais pas si on peut dire les noms des plateformes. Oui, vas-y. Sur Netflix, le film Voleuse, réalisé par l'actrice. Bah, pareil, j'ai encore oublié, c'est fantastique. Et où elle est très très bien dedans, quoi. C'est vrai, c'est une étoile montante, on pourrait dire, du cinéma, parce que elle aussi prend des risques dans ses films. C'est ça. Dans ses interviews, elle a du caractère, la fille. Hein, on voit que c'est pas. Faut pas l'embêter. C'est pas une poupée de studio qu'on met. Non, quand elle a quelque chose à dire, bah, elle l'envoie pas par la poste. Et c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir des gens. C'est ça. Mais en fait, ouais, globalement, ce serait dur de dire un acteur ou une actrice préférée parce que déjà les goûts changent avec le temps, souvent. Et en fait, ça dépend de dans quel film ou dans quelle série tu te retrouves. Un acteur va être ou une actrice va être super ou superbe dans un film et dans un autre, tu dis mais pourquoi est-ce qu'ils ont joué dedans quoi? Au niveau des réalisateurs, est-ce que tu as un réalisateur vraiment que tu mets au top? Totalement, totalement. John Carpenter. John Carpenter. Pourquoi? Parce que je l'ai découvert très très tôt avec. Un film que je trouve absolument fabuleux, mais que tout le monde, pareil, critiquerait de nanar. Surtout que c'est bon, c'est pas son meilleur film, mais c'est Les Aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Déjà, le titre, tu vois, c'est ce qui a été génial dans les années 80, c'est que t'avais des films avec des titres comme ça. Imprononçable, pratiquement. Tu sais, c'est comme Les Aventures de Bukharo Banzai à travers la 8e dimension, qui est un film que je regarde encore très souvent, et que je trouve magistral. Et John Carpenter. Encore une fois, c'est terrible de dire ça. Il fait partie d'une génération de cinéastes qui parfois faisaient des films avec pas grand-chose, mais qui étaient d'une efficacité redoutable. Tu prends Asso, mais c'est dingue. Hein. Asso, tu vois, c'est nous, dans une pièce. Le budget, il permet que ça. Mais t'as une tension, t'as une direction d'acteur, t'as une gestion de la lumière. Et qui était phénoménal. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de Steven Spielberg. Alors, c'est sûr, il a fait des gros films à effets spéciaux et tout, quoi. Mais Steven Spielberg, il a quand même fait Duel. C'est ce que je veux dire. Tu vois, Duel, c'est un camion, mais une voiture. Mais c'est dingue. Et la route. À chaque fois qu'on parle de cinéma efficace, je parle de ce film. Parce que c'est ça, c'est une voiture, un camion. Ça pourrait donner facilement n'importe quoi. Un film misérable, ennuyeux, si tu poses juste simplement ta caméra. Mais là, c'était Spielberg. Qui plaisait, c'était, en plus, c'était un jeune Spielberg, tu vois. Il n'avait pas encore fait Sugarland Express, Les Dents de la Mer. Et c'était vraiment un téléfilm au départ. Ouais. C'était même pas. C'est sorti après au cinéma, mais au départ, c'est qu'un c'est une commande de téléfilm. Mais c'est ça, c'est, tu sais, un film, même s'il sort pas au cinéma, même si tu fais un DTV, tu sais, une sortie directement ou à la télé, des fois, le fait de pas avoir de budget aux caisses, ou de pas avoir de distributeur, c'est, parce qu'il y a souvent ça, tu peux faire quelque chose de fantastique. Si tu sais placer ta caméra, si tu dis que écrire une scène, filmer un truc, ou tu vois, il y a des trucs comme ça. Et John Carpenter, c'est ce qu'il a fait donc avec Asso. Et donc, j'ai été très tôt passionné de bande dessinée. En plus, on avait la chance à l'époque d'avoir Metal Hurlant, enfin, tu sais, tous ces magazines qui étaient absolument géniaux. Et il a fait que des films qui m'ont parlé. Et lui aussi, à son niveau, il a fait des films différents, beaucoup de films différents. La seule problématique, c'est que malheureusement, il s'est tapé beaucoup d'échecs financiers. Il a eu une grosse désillusion des gros studios. Et pour le coup, bah, tu vois, il a plus rien fait depuis. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui est ressorti de ses films. Et on parle quand même d'un réalisateur qui a quand même fait New York 97, qui est absolument fabuleux, qui a un film quand même sur un anti-héros, enfin, Snake Plissken, mais c'est dingue. Et il a fait ce qui est pour moi son chef-d'œuvre absolu, qui serait impossible à faire aujourd'hui et qui sortirait probablement pas au cinéma aujourd'hui, The Thing. Et qui a été un bide à l'époque. Qui a été un bide. Faut dire qu'il est sorti. Je comprends pas, moi. Et ben, en fait, ils l'ont expliqué, je crois. The Thing, il est sorti en 1982. L'année de E.T. l'extraterrestre. Voilà, oui. Ça veut dire que les gens avaient le choix entre deux types de science-fiction, deux types d'extraterrestres. Le film avec E.T., le gros film familial, qui a rapporté je ne sais pas combien de centaines de millions de dollars, et avec une happy end et tout ça, bon, même si c'est un peu triste à la fin, et le film The Thing, avec une des fins les plus magistrales. Des effets spéciaux, tu parlais des effets spéciaux. Ouf. Bah, tu vois, c'était... Rob Bottin. C'est Rob Bottin, oui, qui faisait l'air. Rob Bottin, qui c'était encore, tu sais, des effets spéciaux de plateau. C'est, pareil, on peut même épiloguer énormément dessus. Tu vois, tout ce qui est effets spéciaux digitaux, synthèse et tout, en fonction du film, 5 ans après, le film, il est daté. Tout ce qui est effets spéciaux de plateau, comme c'était en vrai, bah, tu sais, t'as le côté réel qui reste, quoi. Et The Thing, c'est ça, c'est la pièce maîtresse de ce mec, quoi. La mise en scène, la musique. Alors, musique de Ennio Morricone, mais bon, on ressent plus le côté de John Carpenter. Oui, parce qu'il fait aussi ses propres musiques de films la plupart du temps. Totalement. Ouais. Et c'est un film qui est prodigieux. Et je te parlais tout à l'heure d'une génération de réalisateurs que je mets tous ensemble, tu vois. Spielberg, John Carpenter, Joe Dante, ouais. Qui a fait des films, voilà, qui restent exceptionnels. Ouais. Et c'est le type de réalisateur qui manque énormément, quoi, tu vois. Même quand il a fait ses films, les plus bizarres, enfin, les moins bons, il y a quand même du talent. J'ai adoré son Ghost of Mars. Moi, c'est un des Carpenter préférés. Alors que oui, la plupart des gens n'aiment pas forcément le Ghost of Mars. Mais déjà, la bande originale est terrible. Cette idée, moi, l'idée, je la trouve géniale, quoi. D'habitude, Mars, on voit les petits martiens, et là, c'est... Ah, mais c'est ça, c'est un mélange de genre, avec les vampires Ice Cube, et tout ça. Ice Cube, qu'on n'attend pas dans ce genre de rôle. Pas du tout, mais en plus, encore une fois, tu sais, à l'époque, il y avait plusieurs films sur Mars, tu vois, Mission to Mars, Brian De Palma, enfin, tous ces trucs-là, des films qui ont coûté un paquet de pognon, et ce mec... Il fait son film, qui est une vulgaire série B, tournée en studio avec quelques décors, machin et tout. Mais il aime tellement ce qu'il fait que t'es pris par le truc. C'est une bande dessinée visuelle et tout, c'est du bourrin. Et ça fonctionne. Et c'est vraiment super, quoi. Et justement, t'as parlé de la musique. Eh bien, quelle est ta musique de film favorite que t'écoutes toujours avec plaisir? Tout ce que John Williams a fait sur Star Wars. Il y a beaucoup de musique de films que j'adore, beaucoup de compositeurs que j'adore. John Williams en fait partie, bah, c'est simple, parce que pourquoi John Williams, il a les Star Wars, les Indiana Jones, les Dents de la Mer, Superman, quasiment tous les films de Spielberg. J'aime énormément Jerry Goldsmith, hein, parce que La Planète des Singes, Alien, Puis bah plein de films, le 13e guerrier qui est un film que j'adore aussi, mais je pourrais en parler pendant des heures. Bah Alan Silvestri, tu vois, tu sais, les retours à le futur, une musique spécifiquement que j'adore, bah je vais revenir à Elmer Bernstein, qui a fait la musique pour les 10 commandements et qui des années après a fait la musique pour le SOS Fantôme. C'est des musiques que j'écoute énormément. Une musique spécifiquement que j'adore écouter, qui est un film que peu connaissent maintenant, c'est le film Furio avec David Bowie. Et c'est Ryuichi Sakamoto qui a fait la musique, t'sais, qui est absolument fabuleuse. Ça dépend, mais en général, j'écoute beaucoup de musique de film dans la voiture, dans mon bureau quand je travaille, quand je dessine, hein, ça me met en. Et voilà, il y a Alzheimer, dont ma femme est énormément fan, et c'est son compositeur préféré et tout. J'ai pris du temps avant de m'y mettre, parce qu'à l'époque, moi, je l'ai découvert sur Le Roi Lion, et sur L'île au trésor des Muppets, parce que je suis un énorme fan de tout ce que Jim Henson a fait, Un rue Sésame, les Muppets, Dark Crystal, enfin tout le. Et puis, bah, il a fait des musiques en plus pour Man of Steel, enfin. Mais la plupart du temps, c'est John Williams, parce que ça me parle, parce que c'est les films, parce que c'est. Ça te ressort les émotions et tout, et puis je suis un. Malgré le rachat par Disney et tout, je resterai un énorme fan de Star Wars, quoi. Eh bien, je te propose une première pause musicale avec la bande originale du prochain Superman. Alors, pour nos auditeurs, on leur fait un petit cadeau. Bah, c'est le Superman thème de la version 2025. Impeccable. Alors, là, je vais te demander d'être un peu plus concis. Quel est ton genre de film préféré? Allez, je te donne trois. Trois genres? Ouais, trois genres. La science-fiction. La science-fiction. Le western. Le western. J'adore le western. Science-fiction, western. Ça va être dur, science-fiction, western. La comédie, quand c'est bien fait. Oui, donc oui, c'est vrai que là c'est large. Ouais, mais la comédie, quand c'est bien fait. Mais non, en fait, je vais revenir sur. Parce que c'est deux genres qui sont différents pour moi, science-fiction, anticipation et western. D'accord, c'est les trucs. Et par contre, quels sont les genres que t'aimes peu ou pas du tout? Alors, c'est pas que j'aime pas, mais comédie musicale, parce qu'il y en a que 2-3 que j'ai vraiment, mais énormément adoré. Et c'est souvent, je sais pas si je peux dire ça comme ça à la radio, mais chiant ou ennuyeux. Le polar, j'adore le polar, mais encore une fois, il faut vraiment que ce soit bien fait. On a la chance de vivre en France, qui a été le pays du polar, qui l'est encore. Hein, je veux dire, même les grands réalisateurs américains, chinois, s'inspirent, hein, Jean-Pierre Melville et tout ça. Mais ouais, les comédies romantiques. Alors, je dis pas, hein, je fais pas mon macho et tout, parce que j'adore beaucoup de comédies, de films romantiques. Mais les mauvaises comédies romantiques, tu dirais plutôt ça. De films romantiques. J'adore les films romantiques. Mmh. Comédies romantiques, les trucs basiques et tout, c'est... Bon, même si, j'avoue, il y a quelques années, des fois, les comédies de Noël qui passent sur TF1, parce que, ben... Voilà, quoi. Alors, là, je vais te demander le film qui t'a le plus marqué, en bien ou en mal. Le film que tu te souviendras toujours, soit une scène ou un truc... Voilà, pour toi, c'est... Tes questions sont difficiles, mais elles sont bien. Hein. Mais c'est parce que je pourrais t'en choisir 40 000 des films comme ça qui m'ont marqué en bien ou en mal. Je peux en dire deux. Allez. Le premier qui m'a marqué, mais je comprenais pas, c'était donc La Planète des Singes. Le tout premier avec Charlton Heston. Les autres sont bien et tout, mais à aucun moment tu retrouves la scène finale. Quand il tombe à genoux sur la... Quand tu veux la Statue de la Liberté. Ah là là là là, mais cette fin... Tu sais, je suis une personne positive, hein, j'ai plein d'espoir et tout ça et tout. Les fins en happy end, c'est super, quand c'est bien emmené. Et là, tu vois ce film, et tu dis, mais... Oh, c'est magistral, quoi, tu vois, je veux dire, l'être humain est tellement stupide qu'il a réduit son monde en miettes et tout, et que c'est une autre espèce, le règne animal, qui revient, enfin, tu vois, qui prend la suite et tout, et ça m'a passablement marqué, parce que c'était une fin, mais... Puis c'est encore d'actualité. C'est encore d'actualité. C'est ça qui est pire, c'est que même si on met des films, si on en parle, il y a toujours des abrutis qui seraient prêts à faire péter la planète. Bah c'est ça. Mais d'ailleurs, ça a été un peu ensuite le discours de la Sega. Enfin, je parle de la première Sega des années 70, hein, parce que j'ai vu tous les films, où c'était un côté un peu pessimiste et tout. Bah voilà, ce qui s'est passé, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Et maintenant, c'est une espèce un peu plus évoluée qui va prendre. Mais en fait, tu t'aperçois que l'espèce qui prend la suite, bah, en fait, c'est un peu pareil. Ils retombent dans leur travers. C'est le cercle vicieux. Hein. C'est ça. Où les militaires prennent le pas sur les intellectuels. Voilà, c'est exactement ça. Et je t'avais dit, pourquoi un deuxième film ? Parce que je me suis pris tout récemment une très très grosse claque, une j'ai du mal à prononcer le mot, déflagration, c'est ça ? Oui, c'est ça. Suite à l'émission Vidéo Club, donc sur Combini, tu sais, ça parle de beaucoup de films et tout, et tu dis, bah tiens, je l'ai pas vu, faudrait que je le découvre. Et j'ai pu voir Requiem pour un massacre, qui est un vieux film, il est sorti en 85, je crois. C'est un film russe, je pourrais pas dire le nom du réalisateur. Et je me suis dit, bah tiens, je vais tenter. Parce que j'ai vu pas mal de films de guerre, hein. J'adore le genre, encore une fois, quand c'est bien fait. Et je me suis dit, bah tiens, je vais tenter, 3 heures et des brouettes le film, quoi. En plus, c'est un format un peu resserré, gratuitement disponible sur YouTube. Et claque monumentale. T'es pas prêt à ce que tu vas regarder. En plus, si t'es habitué à la mise en scène stéréotypée des productions françaises, américaines, anglaises et tout, c'est rien à voir. C'est du cinéma russe, ça prend son temps. J'ai jamais vu de plan serré sur les visages aussi long. T'as les émotions, de tous les parts. Et puis l'acteur, enfin, c'est un jeune garçon qui trouve un fusil dans le sable au début du film. Et en fait, il veut partir à la guerre, quoi. Il veut tu le suis. Et la mise en scène est tellement lente, ça prend tellement le temps que tu vis vraiment ce qui. Et il y a une scène qui est terrible à un moment donné. Donc, les gens sont parqués dans une grange et tout, qui est avec des méchants les Allemands qui mettent le feu et tout ça. Et t'as le gamin qui arrive à en sortir et il y a un soldat qui le prend par le collier et tout. Hein. Et là, t'as le plan sur le visage du garçon. mais c'est immense. Mais t'as envie de chier, t'es mal à l'aise, toi, t'es limite c'est mal à l'aise. C'est malaisant comme film, moi j'ai vu, c'est vrai que... Tu sais, c'est le genre de film que tu vas pas voir beaucoup de fois, parce que souvent, une fois, ça suffit. C'est comme quand j'ai vu le film de Larry Clark quand j'étais jeune, le film sur la jeunesse sidaïque, qui était... j'ai oublié le titre, il faudra que ça me revienne. Mais voilà, c'est des films que ça te prend aux tripes et ça te fait vivre quelque chose. Ça te... ouais, j'étais pas c'est ma grosse claque. Je me suis pris 2-3 claques là. Non, puis en plus, les films russes et historiques sont vraiment très bons. Moi, j'en ai vu plein. Et j'ai eu l'occasion d'aller visiter Mosfilm, l'institut à Moscou. Et c'est des gens qui ont une culture. On commence à avoir beaucoup de plus en plus de films russes. Malgré toutes les conneries qui sont racontées, mais pour les films historiques, c'est des gens qui sont très doués et ils mettent les moyens, tu parlais de moyens tout à l'heure, et surtout les anciens films russes, il y a des figurants, voilà, ils aiment le film historique en général, ils sont doués dans la manière, et bon, pour eux, c'est des gens au niveau sentiment, au niveau ressenti, ils appuient bien là-dessus. Et autant il y a des défauts, hein, tout n'est pas parfait, mais en général, ils ont de très bons films, et même leurs nouveaux films qu'ils font, tu parlais de super-héros, ils sont capables super. De faire de très bons films. Mais c'est drôle ce que tu viens de dire, tu disais qu'il y a souvent des défauts, mais justement, tu vois, c'est une partie du truc que je trouve fantastique. Tu sais, quand l'œuvre n'est pas parfaite, tu vois, souvent c'est ce qui fait la magie. Du métrage et tout. Eh bien, maintenant, je devais te demander le tout bêtement, le dernier film que tu as vu au cinéma. Alors, ça va être le quart de film que j'ai vu au cinéma. Où tu t'es enfui, ce que tu me disais. Voilà, c'est ça. Donc, je suis allé voir Kraven le chasseur. Qui n'est pas le meilleur film de l'année, mais qui est un film une adaptation de comics de Marvel tout à fait regardable. Mais justement, c'était estampillé Marvel, et donc mon fils m'a dit « Papa, viens, on va aller le voir et tout ». Donc on y va. Il était content et tout, avec ses petits bonbons. Et là, le film commence, et c'est ça. Au bout d'un quart d'heure, on est sorti de la salle, parce que... faut savoir que le studio Marvel Comics, je parle de l'éditeur de bande dessinée, a vendu ses droits à beaucoup de studios et tout. Et il y a tous les films Marvel, donc qu'on appelle le MCU, qui appartient à Disney, qui font des films, on va dire, tout public, relativement regardables, même pour le plus jeune public. Et les films Marvel produits par Sony, qui ont souvent des thématiques un peu plus adultes ou qui vont un peu plus loin dans la violence, c'est différent. C'est pas forcément tout public. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc le film était excessivement violent, ce qui se justifiait par le scénario, la mise en scène et tout ça. Et en effet, pas tout public, quoi. Pas tout public. Et donc, on est sorti au bout d'un quart d'heure, quoi. Alors, imaginons que tu organises une petite soirée pour faire découvrir trois films avec des potes. T'as envie de leur faire découvrir trois films. Quel serait mon programme? Alors, tout dépend des potes, tout dépend de la soirée, tout dépend de ce qu'on mange, de ce qu'on boit. Enfin, c'est... Une comédie, un film que j'aime énormément, ce serait Un fauteuil pour deux, de John Landis, avec Dan Aykroyd et Eddie Murphy, qui est parfait, c'est un une film... Une satire sociale qui est bien faite, en plus. Exactement, tu rigoles tout le temps, et puis c'est bien fait. Encore une fois, t'as plusieurs niveaux de lecture. Si tu rajoutes le film pour rigoler au niveau des gags et tout, tu vas rigoler. Si tu veux réfléchir, t'as un niveau de lecture qui va t'apporter de la réflexion. Avec ces deux milliardaires ignobles. Oh là, d'en parler, ça va me donner envie de le regarder. Les Dents de la Mer, de Spielberg, parce que c'est prodigieux. Et encore une fois, tu vois, on parlait de Duel tout à l'heure. Il a fait comme il a pu, avec un requin défectueux, tellement défectueux que qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est concentré sur la mise en scène, sur la direction d'acteur, sur si bien que si tu retires les scènes avec le requin, pour moi, le film fonctionne. Tu aurais pu simplement mettre une caméra subjective, comme le premier Alien, c'est pareil. Et Les Dents de la Mer, c'est exactement ça, quoi. Et pour terminer, le troisième, oh là là, le choix. Alors, c'est pour une soirée entre potes, t'as jamais vu ce film, il faut absolument que... que tu vois ça. Ça va être dur. Ça va être dur. La guerre des étoiles, le premier. Ouais, parce qu'il y a encore des gens qui ne l'ont pas vu. Alors, il y a des gens qui ne l'ont pas vu, mais le voir, mais dans certaines conditions. J'ai eu la chance, c'était génial. Bon, donc, quand j'habitais sur Paris, ils ont ressorti la trilogie originale en édition spéciale il y a 30 ans, je crois. Je suis retourné les voir 5 fois au cinéma. Donc, quand je dis que je suis fan, c'est que. Une de ces 5 fois, c'était au cinéma Le Grand Rex. Écran panoramique et tout. Et je te parlais de la scène finale de La Planète des Singes, qui est magistrale. Pour moi, la meilleure scène d'ouverture dans un film, c'est la scène d'ouverture du premier Star Wars, donc l'épisode 4, où t'as le vaisseau de la princesse Leia, le croiseur qui passe comme ça et tout. C'est super important, parce que tu sais, quand tu regardes un film, si le début, c'est la scène d'ouverture, elle t'accroche tout de suite, t'as plus qu'à t'accrocher et tu suis, quoi, tu vois. Je trouve ça magistral. Si bien que c'est le film de la saga que je regarde le plus souvent, même si c'est pas mon préféré. Donc, une bonne soirée. En général. Et maintenant, nous allons passer au portrait cinémois. Oh là là. Alors, si tu étais un film. Alors, tu sais, donc, j'ai eu le fil rouge hein, qui m'a été envoyé et tout, et je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux répondre à cette question et tout. Et là, encore une fois, tout le crédit revient à ma femme qui me connaît tellement parfaitement. Je lui ai fait découvrir, il y a 2 ans, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, qui est un film de guerre, mais absolument magistral. De toute façon, qui est un film tout court de cinéma magistral. Et je lui ai dit, mais tu te rends compte, il faut que je dise, si j'étais un film, et là, Morgane a fait Apocalypse Now. Alors, forcément, il y a une raison. Parce que pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un film sur la folie, sur tu vois quand le film commence, t'as le personnage de Martin Sheen qui est dans sa chambre d'hôtel en train d'attendre un quelconque ordre de mission, donc qui picole, qui fit sur son miroir qui est là et tout, et là on lui dit de retrouver le général Kurtz, colonel Kurtz, pardon, magnifiquement interprété par Marlon Brando, et en fait toute sa quête du film. Plus t'avances dans le film, entre les rencontres qu'il fait, tout, tu sombres dans la folie, dans la folie, dans la folie, dans la folie, jusqu'au final qui est absolument cataclysmique et tout. Et je pense que c'est dans ma personnalité, dans mon caractère, je pense pas être cinglé, quoique. Mais non, mais c'est la part de folie qu'on a tous en nous, quoi. La part de folie, tu sais, quand t'as une vie qui est calibrée, quoi, tu sais, t'as vite foyer, t'as ton travail, tu vas au cinéma, tu bois un café, tu sors avec des amis, tu te promènes au parc avec les enfants, tu sors ton chien, enfin, je ne sais quoi d'autre, des trucs un peu de la normalité. Et des fois, t'as quelque chose qui se passe, tu sais, en toi, c'est ça, tu sais, une sorte de folie qui a envie de sortir, tu sais, tu te dis, mais. Que tu peux exprimer sûrement par le dessin. Totalement. Totalement. Et en fait, ce film, c'est. C'est un résumé. C'est ça. C'est un résumé de toi, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est bizarre, toi. J'aurais pu dire, si t'étais un film, j'aurais pu te dire, je sais pas moi, un quelconque film de super-héros, d'une comédie ou qu'est-ce. Mais ce film-là, Apocalypse Now, ouais, c'est ça. C'est, que ce soit la folie de la motivation, de la créativité, comme tu dis, enfin, toutes ces choses-là et tout. Et juste sur ce film, donc t'as le personnage, le colonel Kurtz, Marlon Brando, il y a un truc que j'adore dans ce film, c'est que tu entends le personnage pendant tout le film, tu images ce personnage-là. Ah, si tu voyais pas le personnage à la fin du film, c'est pas grave. Parce que tu sens son aura. Et c'est absolument prodigieux. Et c'est ce que j'ai adoré dans le Réveil de la Force, le Star Wars qu'ils ont fait, la Disney. La dernière trilogie est escalée. Mais dans ce film, j'ai adoré le rôle de Luke Skywalker que tu ne vois pas pendant le film. L'acteur n'est pas là, tu le vois 2 secondes à la fin. Et tu sens sa présence dans le. Tu vois, tout à l'heure, quand je parlais de mise en scène et tout ça, ça, j'adore. Si tu étais un acteur. Si j'étais un acteur, alors je vais pas dire Charlton Heston, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je vais parler de Bruce Lee. Pourquoi Bruce Lee? J'ai pas la même corpulence. déjà parce que j'ai regardé ses films 40 000 fois, et il en a pas fait beaucoup parce qu'il est mort très jeune. Mais comme je disais, donc je suis un très gros passionné d'arts martiaux, de sport de combat, et il mélange tout ça. Puis il y a pas que ça, la motivation, le travail, le côté social, racial aussi, ça a été énorme. Et puis le côté précurseur, c'est lui qui a amené tous les arts martiaux au cinéma. C'est ça, en fait, si tu veux. Je précise aux États-Unis, parce que. Voilà. En Chine ou à Hong Kong, enfin, le cinéma asiatique, eux, ça fait partie de leur rituel. Hein. Bah, si tu veux, ça faisait partie de leur rituel, mais tu sais, c'était du cinéma d'arts martiaux très chorégraphié, très. Ça reste, oui. Bruce Lee, il a rapporté ce truc un peu sec, brutal, réaliste. Il n'y avait pas de câble et tout ça, quoi, tu vois, c'est. Là, c'est de la bagarre pour la bagarre, quoi, entre guillemets. Les scènes de combat, c'est des scènes en direct, c'est pas... Justement, ils étaient même obligés de ralentir, parce que tellement il allait vite dans ses mouvements. Tu sais, tu reprends le duel final de la Fureur du Dragon, qu'il a réalisé lui-même, où il combat contre Chuck Norris, qui est... Chuck Norris, quand même, qui à l'époque a été 5 fois champion du monde de karaté. Ouais. La mise en scène, elle est là. Alors, bien sûr, ça vit, parce que c'est un film qui est sorti en 72, mais efficacité... crédibilité, et puis c'est beau, tu sais, il avait cette sorte de... Ah, mais il a un charisme charisme, mais de c'était fou, et encore aujourd'hui, ça reste, j'ai encore mes magazines, hein, Karate Bushido, Spécial Bruce Lee, Ouais, on en a parlé récemment dans le Cerivox, on a parlé du Frelon Vert, des premiers où joue le fameux Kato. C'est ça. Donc... on reste dans le ton. Alors, pour terminer, si tu étais un personnage de film... Si j'étais un personnage de film. Si j'ai envie de rigoler, j'ai envie de te dire Pierre Richard. Parce que j'adore Pierre Richard. La trilogie de Francis Weber, La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs. Est-ce que t'es un peu décalé, non? Gaffeur? Gaffeur, alors volontairement. Des fois. Décalé, ouais, j'aime bien faire le... J'ai pas de filtre. Tu vois, moi je rigole tout de suite, je te tapote l'épaule tout de suite. Si on fait une soirée animation, la fête et tout ça, moi je suis tout de suite... Bon, ce qui contrebalance avec Pierre Richard pour le coup, quoi. Mais le côté électron libre... Si j'étais un personnage... Ah là là... Jack Nicholson dans le... dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ce que j'allais dire. Tu vois, ça rejoint la folie encore. Ouais, mais l'espèce de folie. Non, mais c'est clair. C'est mais en fait, c'est exactement ça. Déjà, c'est un film de dingue. C'est drôle de dire à tous les niveaux. C'est ça, Milos Forman et tout. Le casting était ouf, hein, tu vois. Quand on voit le nombre d'acteurs comme Danny DeVito. Danny DeVito, Christopher Lloyd. Voilà, tous ces acteurs qui sont devenus des stars après. Et le film est dingue. Alors, pareil, hein, je l'ai regardé avec madame il y a quelques années. Et. Le film est prodigieux. Jack Nicholson est prodigieux, est absolument prodigieux. La fin est prodigieuse. Enfin, c'est le personnage là, tu vois, qui arrive dans une institution mais très, capitonné. C'est le capitonné, d'accord. La façon dont on traitait les hôpitaux psychiatriques à une époque. Hein, ouais, mais c'est ça. Médicaments. On mettait les mêmes médicaments pour tout le monde, avec des doses plus ou moins grandes, et puis. C'était plutôt castrateur, hein. C'était le truc terrible. J'ai envie de te dire, alors c'est pas de l'ego, hein, parce que l'ego, je pense pas que j'en ai beaucoup. Mais c'est Nicholson dans Volution de Coucou. Hein. Ce côté rebelle du gars qui a pas envie de dans cette administration d'être complètement. Puis même le fait, quand je suis en assemblée, tu vois que c'est au travail. Tu sais, j'aime bien. Moi, j'arrive le matin, je dis pas salut, comment ça va, comment ça va. Enfin, je vais pas dire que j'aime bien qu'on me remarque, mais quand je suis là, en général, je suis là, tu vois. C'est. En séjour avec les ados, si on fait une soirée et tout, tu sais, moi, il faut que. Je vais pas rester comme ça, tu sais. Et Nicholson dans le film, il a ce côté. Tu vois, c'est pas une armoire à glace, il fait pas 1m80, baraque et tout ça, mais il a la classe, il a une certaine animalité, un charisme phénoménal. Tu vois, dans Batman de Tim Burton, le premier, il fait le Joker. C'est un des meilleurs pour moi, Joker. Phénoménal, c'est... Donc, ouais, voilà, ouais, ce personnage-là. Eh bien, nous allons passer à un morceau musical. Une BO de Hans Zimmer, hein, qu'on en a parlé tout à l'heure, avec le fameux Man of Steel, le thème de Superman, nous restons le thème. Ah bah, c'est impeccable, et puis en plus, ça fera plaisir à madame quand elle va écouter. Et bien maintenant, nous allons passer au côté coup de cœur vidéo. Et bien mon coup de cœur vidéo, c'est dommage parce qu'il est en train de quitter la salle, c'est Vincent doit mourir. Eh ouais, non, je blague, hein. C'était un petit clin d'œil à notre collègue Vincent. Et bien, c'est un film que j'ai découvert récemment, un film fantastique franco-belge, réalisé par Stéphane Castana, sorti en 2023, donc très récent. J'ai eu l'occasion de le voir cette semaine, donc c'est vraiment tout frais. Mmh. Alors, le film suit Vincent, joué par Karim Leclou, un bon acteur qui monte bien, qui est agressé à plusieurs reprises et sans raison par des gens qui tentent de le tuer. Son existence d'homme sans histoire elle va alors être bouleversée. Et quand le phénomène va s'amplifier, parce qu'au départ, il se fait agresser par un de ses collègues de bureau... Puis un deuxième, après c'est ses voisins. Donc c'est une boucle. Ça commence à être un petit peu... Et on ne sait pas pourquoi. Donc il n'a d'autre choix que de fuir en Bretagne, dans la maison de vacances de son père, et d'essayer de changer son mode de vie. Il dit ça vient peut-être de l'ambiance de la grande ville où il est. Et finalement, il s'aperçoit que c'est un phénomène qu'on retrouve dans toute la France, et qu'on voit aux infos et tout. Et jusqu'à la fin, on ne sait pas pourquoi. D'accord, mais c'est quoi, voilà, ça aussi c'est bien, c'est une fin de film comme ça où on te donne pas toutes les clés, les solutions et tout, c'est à toi de te faire ta propre. Ça, c'est le genre de fin qui est bien. Je suis assez scotché parce que j'ai dit petit budget sûrement pour un gros truc, mais des acteurs bon moyennement. Après Karim Leclou qui est vraiment lui commence à faire plein de films, mais j'ai trouvé ça sympa. Et de temps en temps, le film de genre français, moi je le défends. Parce que on a beaucoup de comédie, de polar comme tu disais tout à l'heure, mais de temps en temps, il y a du film de genre. Donc c'était mon cas. Et puis bien le coup de cœur rétro, un petit clin d'œil puisque j'ai mis Supergirl, un film de science-fiction britanno-américain réalisé par Janos Wark, franco-américain, et qui est sorti en 84. Hein, donc on parle des années 80. Donc bah là c'est un jeune homme qui est ensorcelé par la sorcière Selena, jouée par la grande Faye Dunaway. Ouais. Qu'il tombe amoureux d'elle au premier regard. Donc, elle fait un espèce de sort. Malheureusement, la première femme que ce jeune homme va rencontrer, eh bien, c'est les yeux de Supergirl, jouée par Helen Slater à l'époque, et qui était arrivée accidentellement sur Terre. C'est la cousine de Superman, et elle va déclencher la fureur de la sorcière. Donc, un petit film sympa, une espèce de spin-off à l'époque. Ça avait été considéré comme ça. On voulait lancer une nouvelle héroïne, entre guillemets. Moi, je vais trouver ça sympa. Ça se regarde avec de l'humour. Bien années 80. Je pense que tu l'as vu, ce film. Alors, je l'ai vu plusieurs fois. J'adore ce film. C'est pas le meilleur film de la Terre. C'est pas le meilleur film de la saga. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Soulkind, les producteurs de la trilogie originale Superman, le troisième Superman a eu un beau succès, mais relatif par rapport aux deux premiers. Et donc, ils ont voulu faire quelque chose de différent. Donc, je crois, les droits ont été rachetés par la Canon. Pour ceux qui connaissent la Canon, c'était les films de Chuck Norris. Yeah, et Momo. Voilà, voilà, American Ninja et tout ça. Et donc, c'est pour ça que eux-mêmes, ils ont produit, malheureusement, le Superman 4, mais bizarrement que j'adore regarder, mais qui est complètement foiré. Et, ce qui a enterré un petit peu, justement, la franchise Superman. Totalement. Totalement. Et Supergirl, en fait, si tu veux, je pense que l'intention était louable au début. Parce que malheureusement, déjà à l'époque, on avait peu d'héroïnes au cinéma. Quand je dis héroïne, je parle pas forcément super-héros, hein, même film d'action, fantastique. Quoi. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Janos Wark, c'est pas mal débrouillé, parce qu'il a quand même fait un chouette Dents de la Mer deuxième partie. Parce qu'il fallait quand même passer derrière Spielberg, hein, c'était pas non plus... Je t'ai parlé de Jerry Goldsmith parce que de mémoire, c'est lui qui fait la musique pour ce film en plus, je crois. Et non, c'est super. Il y a pas mal de séquences et tout ça. Mais en fait, si tu veux, c'est le type de film dans les années 80 qui n'ont pas marché, qui peuvent être qualifiés de nanar, mais pour laquelle j'ai une tendresse éternelle parce que je les ai regardés avec mes yeux d'enfant. Tu vois, c'est comme le film Howard le Canard, qu'il faut parler tout doucement avec certains. Mais que j'aime énormément parce que mes premiers c'est souvenirs un super de VHS, déjà ouais et puis c'est un personnage Marvel et Supergirl j'aime l'ai pas revu depuis longtemps mais en plus il y avait même Peter O'Toole au début enfin c'est quand même sympa il y a un bon casting hein. Ouais non c'est ça non ça reste un bon souvenir. Eh bien maintenant, nous allons passer au coup de cœur news. Eh bien, après le succès de Monte Cristo, les producteurs Dimitri Raskan et les réalisateurs Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière vont préparer une adaptation des Rois Maudits. Donc la saga littéraire de Maurice Druon qui avait été publiée en 55 et 77. Donc Les Rois Maudits qui a inspiré entre autres Game of Thrones hein, de George R. R. Martin parce que lui-même l'a dit qu'il s'est inspiré de ça. Et a déjà été adapté bien sûr avec les deux séries qu'on a pu voir à la télé. Fresque historique en 7 volumes, Les Rois Maudits va relater la rivalité pour le successeur au trône de France de 1314 à 1356 sous le règne du fameux Philippe le Bel et de Jean le Bon. Le tournage de cette licence est prévu en 7 films qui débutera en 2026. Et puis, y a toujours ce côté avec les Templiers, la malédiction. Je pense que ça peut faire un bon sujet. C'est vrai que on a la chance d'avoir une histoire très riche. Ça n'a pas été adapté en film. Pourquoi pas? Les Rois Maudits, alors, je connais. J'ai pas regardé la première série. parce que plus théâtral, j'étais la première plus jeune série. Et puis j'ai regardé la deuxième pour une unique raison, c'est que c'est Philippe Droyer de mémoire, je crois qu'il était au design, les costumes, les décors et tout ça quoi. Et c'était ma grosse période en, quand j'ai regardé ça, je bouffais du Philippe Droyer, du Moebius, enfin tu vois ça. J'avais ça comme ça, mais c'était pas mal. La deuxième série était pas mal. Je il y avait Depardieu, un casting. C'est José Dayan qui avait fait la série. Eh bien, nous allons passer maintenant au thème du jour, Superman au cinéma. Alors, quel est ton film favori de la série et pourquoi ? Le premier, de Richard Donner. Totalement. Pourquoi ? Parce que ça a été le premier vrai gros film de super-héros à une époque où on n'en faisait pas des masses. Aujourd'hui, t'as 5-6 films tirés de comics qui sortent tout le temps, avec plus ou moins de succès. Beaucoup de gens, quand ils me côtoient, parce que je le porte sur moi, je suis allé voir tel film, je suis fan de comics parce que j'ai vu le film, alors que la personne n'a jamais ouvert un comics, ne sait pas ce que c'était de lire des comics dans les années 90 avec des gens qui se moquaient de toi, ou d'avoir un t-shirt ou une figurine que t'as payé je ne sais combien parce que t'avais pas de figurine de super-héros à Leclerc, c'était en comic shop ou des imports. Donc il y a beaucoup de films, beaucoup, que je regarde quasiment tous. Mais celui-là, ça reste le... Celui-là, ça reste le... Parce que ce que je regarde, je regarde beaucoup par habitude, mais j'ai très peu de claques. Ouais. Et Superman, il y a un truc que j'adore dans ce film. Déjà, Richard Donner, c'est un réalisateur hors norme. Hein. Tu vois, il avait fait Damien et tout ça. Je précise Damien, pas mon collègue, mais Damien la malédiction. Ça me rappelle aussi un Damien qu'on a eu ici qui nous a fait une émission catastrophe. Il y avait peut-être l'émission qui était catastrophe. Le premier Superman, il y a une partie du film qui est absolument fantastique. C'est la partie sans Superman. T'as la première moitié du film, t'as les débuts, la planète Krypton. À ses origines, quoi. Toute la partie à Smallville, tu le vois grandir et tout ça. Mais là. Le travail sur la direction d'acteur, sur la mise en scène, c'est beau, tu sais, t'as les plans sur Smallville avec la musique de John Williams, et c'est absolument fabuleux. T'sais, t'as la mythologie, ils prennent le temps pour installer la mythologie, tu vois, c'est un film de 2 heures quand même, et ils cherchent pas à faire de l'action pure tout le temps. Donc tout à l'heure, on parlait des 10 commandements, mon film préféré, et je te disais qu'il y avait un rapport avec Superman, parce que les personnages de chez DC Comics, la Trinité, donc Superman, Batman et Wonder Woman, tu sais, ils ont un côté iconique très très fort, qu'il n'y a pas forcément chez Marvel Comics. Chez Marvel Comics, tu vois, c'est beaucoup de héros sociaux, X-Men, Spider-Man et tout ça, enfin, on pourrait en parler un million d'heures. Et pour moi, si tu veux, Superman, c'est le Moïse des super-héros, tu vois, tout comme Jochebed, ou Jochebed, je ne sais plus comment on prononce, la mère de Moïse, qui met Moïse dans les eaux du Nil pour... Jor-El, le père de Kal-El, fait pareil pour justement sauver son fils. Et puis toi, t'as toute une mythologie qui est absolument géniale. Tu vois, on parle quand même d'un, entre parenthèses, d'un dieu qui arrive parmi les hommes, qui doit trouver sa place parmi les hommes, ne pas être prétentieux. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses. Il y a un parallèle vraiment ouais, entre les deux, c'est vrai. Absolument génial. Et puis, tu sais, c'est. Il y a le fait ça, d'être étranger, d'arriver dans un lieu qui. Trouver sa place, tu vois, c'est moi-même, je suis né en Algérie, j'ai toujours vécu en France, mais le côté racine, quoi, un peu. Je suis sensible à ça, quoi, tu vois, le personnage de Superman, c'est ça, et puis tu sais, t'as le fait, tu sais, d'avoir plusieurs prénoms, enfin, tu vois, donc, son prénom kryptonien, Kal-El, d'ailleurs, j'en profite pour saluer mon fiston, dont c'est le deuxième prénom, ensuite, t'as la deuxième partie, où là, il y a Superman, c'est la mise en scène et tout. Alors, bien sûr, il est sorti en 78. Voilà, ça a vieilli et tout. Mais c'était absolument fabuleux. Ah, quoi. Oui, c'est Superman, t'y croyais et tout. Puis il y a la musique et puis... Ouais, aujourd'hui, toi, donc, comme on parlait tout à l'heure, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Le digital, tu peux faire des scènes impressionnantes et tout. Mais ça sert à rien d'être impressionnant si t'as pas l'émotion intérieure qui va avec... Donc Superman, le premier film de Richard Donner. Alors quel est selon toi l'acteur le meilleur Superman ? Ah ben voilà, Christopher Reeve forcément. j'ai adoré George Reeves, le Superman de la vieille série télé. On parlait tout à l'heure dans le quiz vu pas vu. Qui était le très bon Superman de son époque. qui n'a rien à voir avec... Ils n'ont aucun lien de parenté. Aucun. Et Christopher Reeve, parce que, pareil, il y a une scène que j'adore dans le film, et c'est même pas une scène d'action. Il vient juste de sauver Lois Lane avec l'hélicoptère et tout. Et Lois Lane le regarde, encore un peu, et elle fait « Mais qui êtes-vous ?» Et là, il y a Superman qui dit « Un ami. » T'as juste la caméra qui est gros plan sur le visage, et une seconde et demie. Et le mec est Superman pour le reste de sa vie, et il le restera. Je dis pas que les autres ont fait du mauvais travail après, parce qu'ils ont tous été très bons. Mais Christopher Reeve, c'était... Et il l'a prouvé dans... Bon, il est décédé malheureusement, mais... Et il l'a prouvé dans sa vie personnelle, avec toutes les épreuves qu'il a. Sa filmo qu'il a continué à faire, puisque même étant tétraplégique, il a continué à faire des films. Totalement. Alors, ta musique préférée, parce qu'on va m'écouter au cours de l'émission, est-ce que t'en as une que tu... un thème de Superman que tu préfères? Il y a le thème de Superman, bien évidemment. Mm-hmm. Mais, alors, je sais plus c'est quoi le nom, mais il y a, dans le premier film, il y a la musique de Smallville. Toute cette partie qui se passe à Smallville, en fait, c'est une musique un peu lyrique, mélancolique. Et c'est absolument fantastique. Tu sais, t'as envie, dans la scène, t'as envie d'être là, à Smallville, au milieu du champ de maïs et tout ça, avec la musique qui sort de... J'aime les musiques de films, tu sais, impressionnantes. Enfin, c'est en fonction de ce que je dessine. Mais des fois, tu sais, une musique simplement comme ça, tu vois, c'est... Et ouais, il y a cette musique-là, donc, dans le premier film, le thème de Smallville. Alors, quel est ton personnage favori dans Superman? Mon personnage favori... Alors, forcément, Superman, mais Clark Kent. Son double, on peut voilà, dire. Voilà, c'est Stan Lee, je crois, qui disait, Stan Lee, donc le co-créateur de quasiment tout l'univers Marvel. Et je dis bien co-créateur, hein, parce que l'autre moitié, c'était quand même Jack The King Kirby, mon idole absolue. Il disait, ce qui est intéressant dans le super-héros, c'est pas le super-héros, c'est l'autre face. Tu vois, ça veut dire, c'est, tu prends Spider-Man, c'est un super-héros qui tisse des toiles, qui vole, qui combat et tout. Mais en fait, souvent, les gens sont plus intéressés par ce que vit Peter Parker en tant que personnage. Tu vois, c'est en plus Spider-Man, c'est le meilleur super-héros de l'univers pour un garçon qui découvre la bande dessinée. Où, quand tu grandis, tu deviens ado, les boutons, les sens, tu découvres, je sais pas moi, les filles, la timidité. Enfin, tu vois, c'est tout ça, c'est une partie qui fait importante dans le comment créer un super-héros. Superman, c'est pareil. Superman, s'il était que Superman, je dis pas que ce serait ennuyeux, mais on parle quand même d'un gars qui peut voler, qui a une super force, qui est super rapide, qui a des lasers dans les yeux et tout, qui peut soulever une ville littéralement, quoi. Si le personnage fait que ça, on va vite tourner en rond, quoi. Il nous faut une faiblesse, il nous faut un personnage qui... En plus, toi, je te disais tout à l'heure, ce qui est bien avec Superman, c'est un dieu parmi les hommes. Donc il faut qu'il puisse vivre comme un homme. Donc ouais, si je devais dire ça, c'est Clark Kent est super. L'alter ego, quoi. Eh bien, on va passer au quiz vu pas vu. Bon, il y a des films que tu as peut-être vus, comme moi je les ai peut-être pas vus aussi. Bien sûr. Bon, on va les commenter rapidement. Alors, si je te dis... alors, il y a eu Volcano... qui est un court-métrage d'animation en 42, donc on commence... Electric Earthquake, pareil, en 42. Eleven Hour, qui est de 42. Donc là, c'était un peu des films de propagande, celui-là, surtout le dernier, parce que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et les méchants, c'est les Japonais. Forcément. Donc as-tu vu ces premiers... auxquels on pourrait associer l'Agence Secrète, 43, c'est des courts-métrages. Ouais. Bah, en fait, c'est... Alors, parfois, j'ai pas les titres, mais en fait, là, tu me parles de la série d'animation des Frères Fleischer. Oui. Donc, je les ai tous, dans un super coffret et tout. C'est une série que j'aime énormément, visuellement parlant, en termes d'un point de vue artistique. Tu vois, à l'époque, il y avait déjà du... comment on appelle ça ? C'est pas du... Alors, maintenant, ils appellent ça le cel shading, mais du rotoscoping. L'animation, mais encore aujourd'hui, elle est absolument superbe, quoi. Tu vois, c'est l'animation est fluide et tout, c'est des petits biotes. En plus, c'est le Superman vraiment du tout début, hein, tel que les avaient créés Jerry Siegel et Joe Shuster. Mais oui, il y a des épisodes qui sont un peu compliqués à regarder. Aujourd'hui, tu te dis, oula, bah ouais. Mais en fait, c'était l'époque qui faisait ça, même dans les comics. C'est technique, ouais. Faut pas oublier que Superman, il a été créé en 1938. Captain America, je crois que ça a été créé 2-3 ans après. Et la plupart, pas tous, mais une grosse partie, la plupart des créateurs de comics, de personnes, de super-héros, c'est, pour la plupart, c'était des immigrants juifs qui fuyaient, tu vois, l'Europe de l'Est et tout ça. Donc, pour le coup, ils mettaient toutes leurs émotions, toutes leurs colères, tu vois, de... si bien que, bah, tu vois, par exemple, la couverture du Captain America numéro 1, t'as quand même Captain America qui envoie une beigne à Hitler. Oui. Fantasme absolu hein, pour beaucoup de monde, j'imagine. Et c'est vrai que ce soit les comics des années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, ou les comics des, souvent des années 50-60, tu sais, quand c'était l'Asie, le grand méchant et tout ça, il y a eu des trucs problématiques. Hein. Tu prends le Spirit de Will Eisner, avec le, je sais plus comment il s'appelle, le sidekick de, du héros, qui était donc un homme de couleur, mais dessiné, tu sais, de façon, tu sais, oui, exagéré. Ça, quoi. Et mais donc ouais sinon ouais, je les adore pour le côté old school artistique et tout ça, c'est vraiment super. Et puis c'était vraiment ancré, c'était les comics de l'époque, et en plus c'est la première fois qu'on voyait Superman voler, parce qu'à l'époque dans les comics il ne volait pas, quoi. Mais en effet il y a des thématiques politiquement moins correctes, on pourrait dire. Alors la vraiment l'apparition de Superman en film, bah on en a parlé tout à l'heure, c'est celle avec George Reeves. Alors, avec un titre français, mais terrible, Superman et les Nains de l'Enfer. The Mole Man. De 1951, qui est en fait le pilote de la série télévisée Les Aventures Superman, qui ont lieu entre 52 et 58. Alors, c'est ça. Alors, j'ai tout vu, parce que, comme tu dis, hein, je suis un fan de Superman, donc je collectionne les figurines, les machins et tout. J'avais même ramené dans mon sac, je te les montrerai après, mes deux pépites de ma collection. Si. Alors, en fait, pour la petite histoire... George Reeves n'est pas le premier Superman. Il y en a eu un juste avant lui. C'était pour... on appelle ça, tu sais, les sérioles. Tu vois, quand t'allais au cinéma avant... Je vais en parler après, parce que j'ai mis un petit aparté à la fin sur les séries et sérioles. Voilà. Donc, en effet... Alors, tu me devances. J'ai... comment il s'appelle ? Le pire, c'est que je connais, mais voilà, les oublier et tout. Hein. Donc, il y a eu un premier Superman avant lui. Kirk Allen. C'est celui-là. Voilà, Kirk Allen. Mais George Reeves, il a été phénoménal dans le rôle. Et encore une fois, toi, c'était les effets spéciaux d'époque, il faisait ce qu'il pouvait et tout. Toi, c'était quand même un format télé. C'était produit par Kellogg's, pour de vrai. Hein. Kellogg's était le producteur de l'émission, donc là, il pouvait pas faire certaines choses en termes de violence, en termes de... Bah oui, parce que... C'est, oui, c'est lui, et puis c'était génial. George Reeves était très bien, et malheureusement, pareil, qui est décédé dans des conditions controversées. Ensuite, alors, une parodie de Superman, il s'appelle Superman contre les femmes vampires. Ça, j'ai pas vu. Donc, en 62, bon, en fait, il y a le nom Superman, et c'est un héros mexicain, pas avec des super-pouvoirs vraiment, mais enfin bon... Comme les films avec Santo, c'est voilà, tout ça. Voilà, c'est d'ailleurs un des films de Santo. D'accord. C'est Santo. Ensuite, on a Superman le Diabolique en 67 de Sergio Criero, de Roger Brouwer, et en fait, on a mis le nom de Superman en France, mais c'est Argoman. Argoman, voilà, qu'on trouve dans ce film-là. Ensuite, alors là, Bruce Lee contre Superman. Ah, ça. Donc une version de 75 de Wu Chan-Chun avec Lung Fei dans le rôle de Superman, où là, Superman est plutôt pas un bon garçon. Un garçon. Mais bon, c'est à la sauce arts martiaux, comme tu disais tout à l'heure, mais arts martiaux hongkongais. Hein. Faut dire que suite au décès de Bruce Lee, donc en 73, il y a eu, tu sais, la Bruce exploitation, hein, tu vois, comme la Black exploitation, tu sais, après Shaft et tout ça, quoi. Et pour le coup, alors t'avais des films avec Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee. Bruce qui combattait tout le monde, quoi. Il est terrible, ce Bruce Lee. C'était un Superman. De toute façon. Donc en 78, bien sûr, on en a parlé, on va pas épiloguer Superman de Richard Donner avec Christopher Reeve dans le rôle de Superman, Margot Kidder, qui pour moi est une des meilleures dans le rôle de Lois Lane. La meilleure, en tout court. un Gene Hackman en Lex Luthor qui est impeccable. Parce que oui, on parle de Christopher Reeve, mais derrière il y avait un beau casting. Et puis Gene Hackman, Marlon Brando dans le père de Superman, Kal-El. Et puis Ned Beatty ou Jackie Cooper, le vieil acteur qui fait Perry White, le directeur du journal. Ensuite, on a Superman 2, où on retrouve un petit peu les mêmes protagonistes, entre guillemets, où avec Jimmy Olsen et aussi le fameux Terrence Stamp qui joue le général Zod. Mais en fait, Superman 2, faut voir la... Parce qu'en fait, il y a un souci avec Superman 2, c'est que au moment du tournage du premier film, en fait, ils ont tourné le 1 et le 2 en même temps, en simultané. Mais arrivé à un moment donné, il fallait se dépêcher pour la sortie cinéma et tout, donc ils ont sorti le Superman 1. Et au moment de revenir, Richard Donner s'est fait renvoyer. Et c'est un autre réalisateur qui a pris la suite, qui faisait des bons films à l'époque, hein, qui avait fait Les Trois Mousquetaires et tout ça. Et Superman 2 est très bien, je l'aime beaucoup tel quel, mais ils ont sorti la Richard Donner Cut, il y a quelques années, qui existe en DVD, hein, que j'ai à la maison, que si tu ne l'as pas vu, je pourrais te la passer. Mais bon, avec plaisir. Mais qui a été rebricolé. C'est-à-dire qu'il y a les scènes du film que Richard Donner avait vraiment filmées, et il a remis des bouts d'essai et tout ça pour refaire l'histoire telle qu'elle était prévue. Quoi. Donc, Le Superman 3, toujours avec Christopher Reeve. Hein, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est Richard Pryor, qui était l'espèce d'Eddie Murphy de l'époque aussi, avec cette espèce de petit... magouilleur. Moi, j'avais bien aimé ce côté, justement, avec un méchant qui n'est pas vraiment un méchant, quoi. Qui est plutôt... Non, mais il n'est pas méchant. Et puis, Superman 3, si tu veux, j'ai la même histoire avec Superman 3 qu'avec E.T. l'extraterrestre. Déjà, Superman 3, c'est le premier Superman que j'ai vu au cinéma, avec le centre de loisirs à l'époque. Et c'est un film que mon petit frère, qui a 40 ans, on l'a tellement regardé, on l'a tellement poncé, qu'on connaît les dialogues par cœur et on aime énormément Richard Pryor dedans, qui joue donc August Gorman. C'est pas le meilleur film de Superman, mais il se regarde super. Et surtout, il y a une scène qui est magistrale, et c'est là que tu vois que Christopher Reeve, il a fait un gros boulot. C'est la scène dans la décharge, quand il y a le combat entre les deux personnalités, le Superman gentil et le Superman méchant. Et rien que pour cette scène-là, le film est... Et puis un casting sympa, il y a Annette O'Toole qui a parlé en Lana Lang. Ouais, ouais. Et puis Richard Vaughan, les agents très spéciaux. Très spéciaux. Hein. Entre autres, qui joue un méchant aussi. Donc c'est ça. Ensuite, on a le Superman 4, le face-à-face de 87, de Sidney G. Fury. Toujours avec les mêmes personnes. On retrouve Gene Hackman qui revient dans le rôle de Lex Luthor. Et... on retrouve Jimmy Olsen sous les traits de John Cryer. John Cryer, ça vous dit sûrement, hein, mon oncle Charlie. C'est ça. le frère un petit peu emmerdant. Eh bien, on pouvait le voir dans le rôle de Jimmy Olsen. Ce film, pour toi, Navet absolue puissance 25 000. Comme je disais tout à l'heure, John Cryer ne joue pas Jimmy Olsen, hein, je crois. Il joue le neveu de Lex Luthor. Il joue l'espèce de méchant. Voilà. Remarque, c'est marrant parce qu'il joue toujours des rôles un petit peu comme ça, John Cryer. Moi, j'adore. C'était une génération d'acteurs, tu sais, pareil avec. Comment il s'appelle, celui qui faisait la folle journée de Ferris Bueller. Oui, je vois celui-là. Un acteur similaire en plus. Mais de tête. D'ailleurs, souvent, on les confond. Ouais. On les. Quand il a fait justement mon oncle Charlie, moi, le premier, j'ai cru que c'était le gars de Ferris Bueller. Ouais, c'est et d'ailleurs, ça. Il cite dans Mon oncle Charlie. Pareil, ça m'échappe, le nom de cet acteur. Mais. Non, tu sais, pour revenir à Superman 4, alors, déjà, c'est plus. C'est distribué par la Warner, mais c'est plus la Warner. Hein. C'est produit par la Canon Film, Menahem Golan, Yoram Globus. Ceux qui faisaient les portées disparues, les Chuck Norris, les Michael Dudikoff, c'est Ninja, ça, les premiers Van Damme et tout. Alan Quatermain, enfin, et tout le tralala. Et le problème, c'est que je pense qu'ils ont voulu se lancer à un moment donné dans des gros films pour. Tu vois, un gros budget. Dans le grand bain et tout. Sauf que. Ils ont fait la même erreur avec Superman 4 qu'avec Les Maîtres de l'Univers. Ce genre de film, tu vois, on parlait tout à l'heure d'effets spéciaux et tout. Dans ce genre de film. Une des stars, en effet, ce sont les effets spéciaux, quoi. Tu peux pas faire un film comme Superman et réduire le budget sur les effets spéciaux ou qu'est-ce, parce que sinon, ça donne ce que ça donne dans le film. Paradoxalement, c'est un film que je regarde souvent, parce que c'est raté. Les effets spéciaux, mais déjà à l'époque, ils étaient déjà en retard de 10-15 ans. Mais voilà, il y a l'homme nucléaire qui est misérable, mais voilà, j'aime bien. C'est un mec comme ça en costume, impossible. Le costume n'est pas crédible deux secondes. Mais tu sais, t'as des films comme ça que t'aimes regarder. C'est mauvais, c'est. Mais. On le regarde. Et puis c'est Superman, quoi. On reste dans le thème de la connerie, puisqu'on a eu le droit à un Derrick contre Superman. Oh. En 92, est signé. Michel Avanasichtus. Ouais, donc, et Dominique Mesra. Alors, c'est la chaîne de télévision, la 5, qui disparaît. Et Derrick essaie de la sauver. Mais pour cela, il contacte différents super-héros pour l'aider, tels que Navarro, Starkey Hutch et le Capitaine Kirk. Oh là là. Mais Superman n'est pas de cet avis. Et avec Roger Moore et numéro 6 de M6, décide de les mettre hors d'état de nuire. Donc, un pastiche de Superman avec des extraits qui ont été chopés. Forcément. Christopher Reeve, Marlon Brando. Donc... J'ai pas eu l'occasion de le voir, moi mais j'aimerais bien. C'est rien que le titre, ça donne un petit peu l'impact. Ah bah pour le coup, t'éveilles ma curiosité. Voilà, au moins on aurait réussi à te surprendre un petit peu. Eh bien, on va continuer par une petite bande originale, celle de Superman 2.78, le main theme de Richard Donner. Impeccable. Retour au spécial Superman avec Dino. Eh bien, on continue de les quiz vu pas vu avec de Superman à Spider-Man, l'aventure du super-héros de 2001 de Michel Viot, donc qui est un film documentaire. Génial. Je pense que ouais, tu. Génial. Je l'ai vu très tôt. Ça a été un des premiers à un moment où les documentaires sur les comics n'existaient pas forcément. Les intervenants de mémoire étaient géniaux, et puis voilà, ça parlait vraiment de tout le spectre comics historique qu'on ne connaît pas forcément. Tu vois, si ce que tu connais des comics, c'est que les films ou les séries que tu vois, tu connais pas forcément l'historique, tel dessinateur, telle saga, les comics qu'il faut avoir l'une fois dans sa vie, qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, enfin tu vois, tous ces trucs-là et tout. Il y a eu d'autres documentaires dont, alors j'ai plus le titre, mais il y a un documentaire qui est sorti en trois parties à l'époque sur Arte, qui est entièrement disponible sur YouTube, et que je vous conseille fortement de regarder, parce que c'est en trois parties, parce que trois périodes, tu vois, la période 40, 50, 60, 70 et 80 à nos jours. Et je suis très friand de ce genre de reportage, et tu vois, c'est des reportages que je me refais souvent en fond. On va en parler, il y en a plusieurs que j'ai cités, justement. Il y a Superman Returns en 2006, Superman revient à la mode. Exactement. On peut dire, donc de Bryan Singer, et c'est Brendan Roof qui va jouer Clark Kent, et on trouve aussi Kate Bosworth dans le rôle. Alors. C'est un des moins connus, je pense. Moins connu, puis surtout, alors, il a bien fonctionné, tu vois, en termes box-office et tout. Pas autant qu'il aurait dû, sinon, tu vois, ils auraient fait une suite directe. Beaucoup n'aiment pas. Moi, je trouve que c'est un film Superman injustement oublié, sous-estimé, mais de dingue. Parce que voilà, à la limite, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que tu vois, il y a pas de réelle action. Tu vois, Superman ne combat pas d'ennemis et tout ça. Bon, il y a Lex Luthor et tout, mais c'est une super mise en scène. La partie sur Smallville qui est courte est absolument bien réalisée. L'acteur est correct, il est pas mal. Enfin, il est même très bien en Superman, mais. La musique, c'est pas John Williams, mais ils reprennent les thèmes de John Williams et tout. C'est un film injustement oublié. Et tu parlais de Kate Bosworth, que j'ai alors pas aimé en Lois Lane. Par contre, il y a Kevin Spacey qui va jouer un Lex Luthor. Crédible. Très bien, très très bien, très très bien. Diabolique à souhait et tout. Pour le coup, pas comique du tout. Parce que Gene Hackman, même dans le premier Superman, il avait un petit côté comique et tout. Tu sais, c'était le méchant, il veut quand même faire tuer beaucoup de gens et tout ça. Mais limite avec un côté sympathique. Là, le Kevin Spacey n'est pas sympathique et tout. Et ce qui est très bien d'ailleurs. Et en plus, on avait Sam Huntington qui reprend le rôle de Jimmy Olsen. C'est ça. Et puis, apparition d'une James Bond girl, Eva Marie Saint, qui joue un vieux James Bond, qui joue la maman de Superman. Adoptive de Superman. Et non, c'était très bien. Bon, donc je suis allé le voir au cinéma, forcément. Je l'ai vu deux fois au cinéma, celui-là. Et pareil, j'ai adoré le fait qu'ils reprennent le générique de l'ancien film, mais tu sais, retravailler et tout ça, c'était. Et pour la petite anecdote, quand je suis allé le voir au cinéma, donc c'était à Tours, communication oblige, ils distribuaient des exemplaires du Daily Planet avec le retour de Superman et tout ça. Donc Daily Planet que j'ai forcément encore. T'es un collector. Ouais, c'est ça. Look Up the Sky, The Amazing Story of Superman, en 2006, un documentaire super. De Kev Byrne, les différentes incarnations de Superman. Et pas que, alors, celui-là, il faut absolument le regarder. Donc il fait partie, hein, tu l'as dans les bonus, dans les coffrets, tu sais, si t'achètes la Sega Superman et tout. Il est long, hein, je crois qu'il dure 2 heures et des boîtes, je crois. Oui, c'est un film, un documentaire. Et en fait, c'est la création de Superman, de comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, les périodes de succès, les périodes d'insuccès et tout. Et pour quelqu'un qui connaît pas Superman, que ce soit en film ou en comics, je trouve que c'est absolument génial. Et en plus, au travers de ce reportage sur la thématique, donc sur Superman, t'as tout un historique de ce qu'était l'Amérique pendant cette période, tu vois, fin 30 jusqu'à... Un peu ce que tu expliquais, la relation entre la vie réelle et comment a été créé Superman, avec par qui... C'est ça. Voilà. Mais tu sais, c'est pas anodin que, encore une fois, que Superman ait été créé en 1938 par des immigrants... qui venaient d'Europe centrale, voilà. Et qui avaient peur, qui fuyaient un régime dictatorial. C'est ça. Ensuite, Superman, le crépuscule d'un dieu, 2007, donc un film d'animation. Impeccable. Alors, il faut savoir que il y a eu beaucoup de films d'animation DC Comics, donc Superman, Batman et tout ça, qui ne sortent pas au cinéma, mais qui sortent directement en DVD, mais qui souvent, pour la plupart, sont absolument géniaux, des fois limite mieux que les films, parce qu'ils peuvent se permettre plusieurs choses. Alors, il faut faire attention, parce que ce sont des films souvent... faut bien que tu regardes le contenu avant de regarder avec tes enfants, parce que c'est les films d'animation DC Comics ont une tonalité beaucoup plus adulte que chez Marvel en face. Ensuite, on a un pastiche, encore une fois, A Man Who Was Superman, 2008, de Jeong Yoon-shul et Lee Ung-ho. Je ne connais pas. Donc, bah, pareil, Superman, c'est... Une grosse blague, quoi. Voilà. Ensuite, on a Superman, Batman, Ennemi Public. Super. Donc, toujours film d'animation. Film d'animation, très très bien. Encore Superman, Batman, Apocalypse, qui est en 2010, encore un film d'animation. Ouais. Ensuite, Waiting for Superman de 2010, encore un documentaire de David Guggenheim, un peu une critique du système éducatif. Enfin, c'est pas vraiment Superman, c'est un peu la génération Superman et c'est un peu une critique plutôt du système éducatif américain. Ouais. On a ensuite All-Star Superman, un long métrage d'animation de Sam Liu. Alors, ça, c'est objectivement, hein. C'est une des meilleures histoires de Superman qui ait jamais été écrite. Le film d'animation est directement adapté du comics du même nom. C'est une mini-série. C'est, entre parenthèses, ce qu'on appelle un one-shot. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir lu tout ce qui se passe avant et tout, parce qu'en fait, c'est une histoire à part. Ils appellent ça les Elseworlds. Histoire hyper humaine. On parle quand même de Superman, qui a un super avec des tas de pouvoirs. Et dans cette histoire, eh ben, ce qui compte le plus, c'est son humanité... c'est beau, c'est bien dessiné, c'est bien écrit, ça pique le cœur, ça pique beaucoup le cœur et tout. Il est question de l'esprit de sacrifice et tout ça. C'est vraiment une très très belle histoire. Ensuite, on revient à un film plus classique, un film traditionnel, puisqu'on a Man of Steel, donc on a écouté la musique tout à l'heure, de Zack Snyder, ça c'est en 2013, avec Henry Cavill. Mm. Le nouveau Superman, en Clark Kent, Kal-El, et aussi on a Amy Adams qui prend le rôle de Lois Lane, Kevin Costner qui va jouer le père adoptif de Kent, avec Diane Lane, ce qui jouera sa mère, et Laurence Fishburne qui joue Perry White. Perry White. Magistral, parce que déjà j'étais content de pouvoir retrouver Superman au cinéma. Magistral parce que c'est Zack Snyder dont j'ai vu tous les films, et on parle quand même d'un réalisateur qui a réussi l'impossible à adapter Watchmen au cinéma. Pareil, impossible, je suis un fan absolu du comic de Watchmen, pour te dire à quel point j'ai plusieurs fois la BD dans des éditions différentes. Pareil, il avait aussi adapté 300 de Frank Miller. Absolument superbe et tout, tu vois. Comme quoi, tu peux faire des trucs à effets spéciaux, mais avec une mise en scène, avec des personnages. Il a fait un film que j'adore, qui a fait un flop absolu. Sucker Punch. C'est... Absolument superbe. C'est un film magistral et tout. Quand j'ai su qu'il allait faire donc Man of Steel, c'est beau. C'est chouette. Et toi, et encore une fois, c'est drôle parce que ça se répète. Il y a toute la partie quand il n'est pas Superman qui est absolument magistrale. Tu vois, ses origines, son parcours initiatique, il traverse l'Amérique, il est pêcheur, il est. Henry Cavill est absolument parfait dans le rôle. C'est un super acteur, hein, comme la plupart des acteurs anglais. Et le casting est phénoménal. Hein. Kevin Costner, Diane Lane, tout le monde. Hans Zimmer fait un travail mais alors absolument magnifique à la musique, parce que alors forcément il y a des musiques, tu sais, énergiques, hein, c'est super et tout, mais c'est pas le plus important dans le film musicalement parlant. C'est vraiment le côté lyrique, enfin tu sais, c'est le côté nostalgie un peu. Tu sais, Hans Zimmer, il y a beaucoup de notes de piano. Il y a d'ailleurs le thème de Man of Steel juste en notes de piano. Est absolument fabuleux. C'est dommage vraiment que Warner n'ait pas gardé l'univers de Snyder. Ensuite, bien, on a Batman contre Superman, l'aube de la justice d'abord. Donc toujours Zack Snyder avec Ben Affleck contre Henry Cavill, là, la grosse bagarre. Ensuite, on aura le droit à Justice League en 2017, donc une première version de 2017 de Zack Snyder. Toujours donc Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, donc des gens qu'on va retrouver, les différents super-héros en fait qu'on retrouve, et on aura une version Zack Snyder Justice League en 2021 avec la Snyder Cut. La Snyder Cut, hein, donc on retrouve les acteurs dont je viens de citer, et on a aussi une version en noir et blanc qui est également sortie en 2021 avec justement Zack Snyder Justice League Justice is Grey. Donc, tu les as vues, je pense, toutes ces versions. Alors, je les ai toutes vues. J'aime énormément. J'ai adoré Batman vs Superman, qui n'est pas sorti dans les bonnes conditions voulues, qui a eu un très beau succès. Beaucoup de gens n'aiment pas, mais j'étais super content de voir Ben Affleck dans le rôle de Batman. Déjà, parce que je trouve que c'est un super acteur et tout. Même s'il y en a qui ont critiqué le choix, forcément, parce que bon, il avait fait Daredevil il y a quelques années. Mais j'adore Daredevil, le film. La version longue. Parce que, en fait, la chose en commun entre Daredevil et Batman vs Superman, il faut voir la version longue, parce qu'en fait, c'est pas du tout le même film. Il y a des versions longues complètement commerciales où ils te rajoutent 10 secondes, une minute. Là, ils changent la trame scénaristique du film. Et Batman vs Superman, c'est génial. Les deux sont tops. En plus, ça adapte un comics qui est très connu, le Dark Knight Returns de Frank Miller. Et non, c'est super. Ben Affleck était très bien et tout. Et puis en plus, alors, je sais pas si on peut spoiler, mais Superman meurt à la fin, quoi. Mais Superman meurt. Alors, bien sûr, je savais qu'ils allaient revenir. Ils vont pas tuer Superman, même s'ils l'ont fait en comics. Mais et c'était super. Malheureusement, ce qui est dommage, c'est que suite à ça, Warner a été frileux par rapport à Zack Snyder. Et ils l'ont asphyxié sur Justice League, si bien qu'il s'est fait... En plus, il a eu des misères personnelles pendant le tournage, donc il n'a pas pu finir le film. Donc le film qui est sorti, Justice League, c'est un film malade, qui a été terminé par Josh Whedon, qui a pourtant fait Avengers, c'est le papa de Buffy et tout, mais qui a entièrement détruit le travail de Snyder. Je regarde ce Justice League-là, je l'ai, hein... Je l'ai même racheté deux fois en Blu-ray, parce que bah, une version, un coffret métallique et tout, enfin... Mais c'est une pour version... Pour le musée. Voilà. Mais c'est une version que je peux regarder avec mon fils. Et toi, je fonctionne beaucoup comme ça, quoi. Le seul truc que j'adore dans cette version-là, c'est la première apparition de Batman, qui est absolument géniale. Tu sais tout de suite pourquoi ce mec-là, c'est Batman, quoi. Parce qu'il fait peur, tu vois, il a la voix comme ça, tu sais. Il est sombre. C'est ça. Donc, j'ai vu la Snyder Cut, qui est absolument magistrale, qui est sortie un peu, pareil, ça a été rebricolé, donc ça dure 4 heures. C'est dur à regarder, 4 heures, hein, pour un film, parce qu'il faut y trouver les 4 heures, surtout si tu veux faire le truc d'une traite. C'est absolument génial. C'est exactement ce à quoi Justice League devait ressembler. C'est sorti dans un format assez particulier, 4 tiers, enfin, tu sais, c'est le format carré et tout. Je pense que si la Warner n'avait pas été frileuse, s'ils avaient accepté de peut-être potentiellement se taper un bide, ou Zack Snyder aurait peut-être pu faire quelque chose. Ensuite, il ne faut pas oublier que Snyder aussi, son univers DC Comics, il est sombre, il est adulte, il est là, le nouveau Superman qui sort cette année là, donc par James Gunn. Reprend des couleurs, on va dire, tu vois, c'est plus positif, c'est vraiment de la bande dessinée, dont je suis absolument fan. Mais pour autant, j'ai énormément adoré tout ce que Snyder a fait avec donc Man of Steel, Batman vs Superman et Justice League, le vrai, quoi. Ensuite, ben, juste un petit caméo dans Black Adam, ouais. On le voit apparaître, mais Henry Cavill rapidement. The Flash, lors de ce film traitant des multivers, plusieurs versions de Superman supérieur vont apparaître à l'écran. Sacha Kell interprète Kara Zor-El, et les versions de Superman avec Henry Cavill, George Reeves, donc on va des différents. Donc ça, je ne sais pas si tu l'as vu. Ah bah, je suis allé les voir directement au cinéma, les deux. C'est drôle de finir là-dessus, parce que ça a été deux flops terribles. Mais vraiment terrible, très critiqué par The Flash. Bon, bah, les effets spéciaux, bon, faut dire que ce qu'il y a, les effets spéciaux digitaux, à un moment donné, tu vois, c'est vrai que c'est de la bouillie et tout ça. Mais j'adore Black Adam, le film, parce que déjà, j'adore le personnage en comics. Le film est vraiment... Alors, il n'a pas fonctionné des masses et tout, mais il n'est pas si dégueu. Enfin, par rapport à d'autres films sur la même thématique, le film s'en sort plutôt pas mal. L'acteur est crédible, les scènes d'action, c'est, et puis c'est Black Adam et tout. Et la grosse désillusion à la fin, c'est vrai, le caméo de Superman. Tu t'attends, voilà, pour un prochain film... ce qui ne se fera jamais, parce que bon, la direction de DC Film a changé tout entre-temps. The Flash, j'adore le film, j'ai adoré le film. Je le regarde encore souvent, mais encore une fois, je le regarde beaucoup à travers les yeux de mon fils. Mon fils a deux personnages de comics préférés, Spider-Man et Flash. Et au cinéma, mais il était comme ça, tu sais... Tu vois, ça n'a pas de prix. Cette sensation, ça n'a pas de prix, quoi, tu vois. Et, mais véritablement, j'adore le film. En plus, c'était le retour de Michael Keaton en Batman. Donc, ouais. Et voilà. Alors, les deux, ce ne sont pas les meilleures adaptations de comics de l'univers. Les deux ne rendent pas justice à Superman comme ils devraient. Et j'attends beaucoup du nouveau Superman. Mais malgré tout, c'est deux films que j'adore. Bon, bah, transition. On finit par le Superman de 2025 de James Gunn. Et c'est Davin Corren-Swiss qui va reprendre... le rôle, ouais. Titre, et on retrouve aussi Rachel Brocanan et Nicolas Hoult. En Lex Luthor. Voilà, donc... J'attends énormément, j'ai adoré la bande-annonce, donc j'ai suivi le développement du film, bien évidemment, hein, parce que moi le matin, quand la première chose que je fais ma revue de presse, mais ma revue de presse c'est pas le Figaro, machin et tout ça, c'est, j'ai mon abonnement, tous les sites de comics, les nouveautés, et j'attends beaucoup de ce film. L'acteur a l'air d'être super, alors... Les premiers haters ont dit « Ah, le costume, il est naze, ça fait combinaison, ah, puis c'est James Gunn. » Puis... J'attends beaucoup, déjà parce que j'ai toujours adoré James Gunn, et je trouve qu'il s'est très bien débrouillé avec les gardiens de la galaxie chez la concurrence. Et j'attends, je suis un fan absolu de Superman. On vit dans un monde, en ce moment, où il y a des choses terribles. On a besoin d'espoir, on a besoin de... Et c'est un super... Je sais que quand j'ai passé une mauvaise journée, si ça va pas bien ou qu'est-ce, plus que le côté humain, bien sûr, je suis entouré, hein, femme, enfant, ami... le blason de la famille, elle, c'est... voilà, c'est l'espoir et tout. Ouais. Et faut pas se laisser avoir par la température ambiante, tout ce qui se passe. Et tout. Alors bien sûr, c'est terrible tout ce qui se passe dans le monde, hein, guerre, mort, machin et tout ça, mais il faut s'attacher à... Un peu de positif aussi, c'est pas mal. Du positif, de l'espoir. On a quand même fait des enfants, il faut leur donner les bonnes clés, et ça passe par leur dire c'est possible, il y a de l'espoir. Voilà. Je suis un peu... j'ai un petit côté cynique, mais positif, espoir tout le temps, il faut... Eh bien, on va rapidement terminer ce tour de point de vue par les séries. Rapidement, on va en parler. Il y a les fameux sérioles avec... donc, tu nous as parlé tout à l'heure de Spencer Bennett et Kirk Allen pour la voix de Superman et Clark Kent. Ça, c'était donc juste après hier, en 48, on a eu le droit. Ensuite, on a eu Atom Man contre Superman. Alors, c'est 15 chapitres. Donc, à chaque coup, c'est ce qui était à la mode, les espèces de sérioles à la télé, à la radio, où on parlait. C'était assez sympa, mais puisque c'est un style qui a pratiquement disparu. Puis on a eu, bien sûr, bah, les aventures de Superman en 52 avec George Reeves. C'est ça. Donc on a parlé du pilote tout à l'heure. Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman de 93 à 97. Impeccable. Avec Dean Cain et Terry Hatcher. On a eu un Smallville avec Tom Welling entre 2001 et 2011. Et puis plus récemment, Superman et Lois avec Tyler Oechlin qui jouait le rôle. Voilà, on a fait, je pense... Un grand qui jouait tour très bien. De Superman. Ah bah, toutes les séries étaient, que tu viens de décrire sont super. Il y en a une nouvelle aussi, mais c'est une série d'animation sur Max, qui est très bien aussi. Mais alors, Smallville, ça a été long, mais on est fan de Smallville à la maison. On est très fan de Smallville. Madame a toujours été fan de Smallville. En plus, il y a Tom Welling. Alors, ça, c'est le petit clin d'œil. Et j'ai adoré Lois et Clark. Alors bien sûr, c'est désuet, les effets spéciaux de télévision, comédie romantique et tout, mais ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Et encore une fois, j'ai regardé ça quand c'est sorti, la première diffusion à l'époque. Et j'ai regardé ça avec mes enfants et tout. Et ils adorent. En plus, tu sais, c'est des séries donc de science-fiction, d'action, mais que tu peux regarder avec tes enfants parce que bah, c'est mesuré et tout, quoi, tu vois. C'est... Donc, non, toutes ces séries-là, c'est... Superman a toujours été très réussi à la télévision. Oui, donc c'est au moins un point positif. Exactement. Eh bien, nous allons passer maintenant aux sorties cinéma et événements qui se passent en Touraine. Alors, il y a un ciné-débat avec le film Rouge, qui sera le mardi 4 mars 2025 à 19h, organisé par la Team Conférence sur le thème « Les responsabilités des entreprises face à la santé et la sécurité des salariés ». Donc, un thème vraiment d'actualité. Ensuite, on a une avant-première qui est « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan », avec le titre, ça me fait rigoler. Un film de Ken Scott avec Leila Bekti et Jonathan Cohen. Ça sera le vendredi 7 mars à 20h, donc. Un Dragon Ball Battle of God Extended Cut, et ça sera le 8 mars et le 9 mars, donc toujours au CGR Centre. Un ciné-débat, L'amour et les forêts, une adaptation du roman éponyme de Eric Reinhardt, le samedi 8 mars à 19h30, dans le cadre de la Journée internationale de la lutte pour les droits de la femme. Ensuite, au studio, on aura Le Garçon en avant-première et rencontre avec les réalisateurs Zabou Breitman et Florent Vassot. Ça sera le vendredi 7 mars à 19h45. Voilà, donc vous voyez, on parlait tout à l'heure, le cinéma, c'est pas que la salle, hein, y a plein de choses, plein de rencontres et ça bouge à tour. Donc déplacez-vous, on reste pas qu'à la maison, on va aussi voir les ciné-débats et puis tout ce qui nous est proposé. Et puis il y aura bien sûr, on va en parler plus tard, le festival, 26e festival du cinéma asiatique, le FICAT, qui aura lieu aussi au studio, mais on en reparlera dans une émission ultérieure. Eh bien, vous pourrez retrouver les horaires et les films à l'affiche de nos partenaires, les CGR, Centre de Tours et les Cinémas Studios, sur leur site. Vous n'hésitez pas à retrouver cela sur leur site respectif. Nous voici arrivés à la fin de ce cinéphage très long, mais ô combien très intéressant. Merci Dino pour ta participation et ton éclairage sur le Superman, parce que c'était vraiment une émission passionnante. Je pense que les auditeurs ont appris plein de choses, comme nous aujourd'hui. Bah c'était avec plaisir. Si je peux me permettre, alors, tu viens de dire que l'émission avait été longue, mais s'il y en a qui veulent me rencontrer à un moment ou à un autre, je fais un peu d'auto-promo. Donc je viens de créer ma propre asso, donc on travaille sur notre prochaine bande dessinée, et on sera présent en dédicace pour présenter la nouvelle BD à Cloix-sur-le-Loir les 14 et 15 juin. C'est un événement sur deux jours, tatouage et heroic fantasy. Ouais, intéressant. Bon, puis je pense que tu seras relayé sur Radioactive, il n'y a pas de problème. On parlera avec plaisir de la promotion de cet événement. Merci aussi à Lilian et puis Vincent qui ont été là avec nous pour la technique et puis aussi l'aide de temps en temps quand on a des petits manques. Voilà, c'est ça une équipe aussi, hein, Cinéphage, c'est une équipe. N'hésitez pas à nous contacter sur Radioactive si vous souhaitez devenir l'invité de Cinéphage. Nous vous retrouverons bientôt sur nos antennes pour un prochain Cinéphage, en alternance avec Sérivore, notre émission sur les séries. Et en attendant, continuez à dévorer films et BO sans modération. Yes. Bye bye les cinéphages. Au revoir.